Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! André Malraux disait « Toute civilisation est hantée, visiblement ou invisiblement, par ce qu'elle pense de la mort. » Ce soir, c'est une soirée difficile pour vous. En tout cas, pour ceux qui sont là aujourd'hui. Vous avez traversé de nombreuses épreuves. Certains sont morts, d'autres ont été gravement blessés. En tout cas, personne n'en est ressorti indemne. Mais ce soir, c'est sûrement la plus grande épreuve que vous avez jamais eu à combattre. Vous vous êtes préparé depuis un moment maintenant, et vous êtes prêt à présent à la venue de Charbon. Revenons maintenant quelque temps en arrière. Nous sommes 2 mois après la chute totale des États-Unis, et sûrement du reste du monde, vu que vous n'en avez eu aucune nouvelle. Vous vous trouvez aujourd'hui au Cadillo Market, une supérette dans le quartier de la Petite Havane à Miami en Floride. Certains d'entre vous y sont depuis un sacré moment, d'autres sont assez nouveaux dans cette petite communauté de survivants qui a fini par se former au cours de ces mois. Difficile de dire si c'était vraiment un bon plan de se placer ici, mais l'urgence a fait que, et d'autres problèmes par la suite ont fait que vous n'avez pas encore bougé. Le Cadillo Market est une petite supérette, donc, au bout d'une allée, le genre de supérette qui n'allait pas avoir beaucoup de succès de son vivant. Vous y êtes avec plusieurs personnes. Vous êtes dans cette communauté constituée d'un certain nombre de personnes, plus vous, que je ne vais pas commencer à présenter tout de suite, car je vais d'abord vous demander de vous présenter les uns les autres, bien entendu. Eh bien, je commence. Alors, on se présente, je pense à une présentation enfin, générale sans rentrer dans les détails. C'est à peu près ça qui est demandé. Je suppose qu'on se connaît un peu, mais pas non plus. C'est ça ? Je demande juste précision pour être sûr de ne pas trop en dire ou pas. Oui, en général, okay. La plupart d'entre vous sont là depuis un mois. Ok. La plupart donc, des personnages joueurs. Ok. Eh bien, je m'appelle Cinda. Je suis une jeune femme qui venait plutôt d'une famille pauvre, hein, ça je ne l'ai jamais caché, je pense que j'en parle assez facilement avec vous si on a un peu discuté. Et en fait, je vivais à Philadelphie, hein, donc en fait, je suis vraiment très nouvelle dans le coin, pour le coup, je ne connais pas du tout la région. Et simplement après l'apocalypse, j'ai rencontré, notamment une personne du nom de faut que je retrouve son nom, excusez-moi, de Driver, hein, qui est son nom de famille. Je la laisserai se présenter plus en détail. Et je détaille assez peu dans nos discussions comment j'ai rencontré Driver. Je ne sais pas si elle en parlera, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que je garde un peu sous silence pour le moment. Et ce que vous savez, c'est que, voilà, c'est quelque chose que j'ai mis en avant, mais je suis ancienne boxeuse, donc j'ai des capacités physiques qui sont pas négligeables. Ça va être incroyable non plus, hein, je suis pas la meilleure athlète du monde. Et pour l'instant, en fait, je suis plutôt assez réservé, en fait, je reste un peu en observation, parce que je viens d'arriver et je veux pas forcément forcer un peu les relations. Donc en fait, si vous voulez venir discuter, j'ai discuté amicalement, mais voilà, c'est pas rarement moi qui va faire le premier pas. Si on a une relation qui précède. Voilà. Eh bien, je suis Ed Smith. Je suis un bon gaillard de 35 ans, afro-américain. Avant tout ça, j'étais agent de sécurité dans une petite supérette dans le même genre où on est aujourd'hui. Et j'essaie de faire mon travail au mieux. Je suis assez... Tout comme Cinda, je suis quelqu'un d'assez discret. Mais malgré tout, quelqu'un de très protecteur envers la communauté qui s'est formée. Vous voyez souvent en compagnie d'une fillette. Nous sommes arrivés du coup dans cette communauté ensemble. Ce n'est pas ma fille. Je l'ai recueillie avec moi et en gros nous formons une petite cellule familiale recomposée au sein de notre communauté. Je suis quelqu'un assez sociable, mais sans plus. Et voilà, si je peux aider les gens, je fais au mieux. Et voilà. De mon côté, c'est Ashley, dit Driver. En effet, comme ça a pu être raconté plus tôt, je suis rentré dans la colonie en même temps que Cinda. En effet, on avait l'air d'avoir fait un petit parcours ensemble, un petit bout de chemin sur lequel on reste assez discrète pour le moment. De mon côté, tout ce que vous savez, c'est un petit peu le passe-droit que j'ai utilisé pour bien m'inclure au niveau de la colonie, c'est le fait que, avant toute cette merde, j'étais étudiante en médecine en dernière année. Ce qui fait que je m'y connais relativement bien et que j'ai pas mal de connaissances plutôt utiles pour le reste du groupe. D'un autre côté, sans être aussi discrète que les personnes précédentes qui sont passées, je suis pas non plus quelqu'un d'extrêmement sociable. Sans doute qu'avec le temps, on a justement comme ça besoin de réapprendre à se faire connaître, à se faire confiance, pardon, et réapprendre à se connaître, puisque n'importe qui pourrait du jour au lendemain s'en prendre à nous en toute impunité. Au-delà de ça, j'ai la vingtaine, les cheveux blancs, aussi sales que la plupart d'entre vous qui n'ont pas pris de douche depuis un bon moment, à part peut-être une fois de temps en temps un gant de toilette dans une bassine qu'on aura laissé recueillir l'eau de pluie. J'ai pas grand chose sur moi, j'ai pas spécialement d'armes ou lorsqu'on part en expédition, généralement je ramasse des morceaux de ferraille que je trouve à droite à gauche et lorsque l'occasion s'y prête, je tape avec. Mais autant dire que c'est relativement rare, la plupart du temps on préférera rester le plus possible à distance des choses qui se déplacent à l'extérieur. Je rajoute juste rapidement. Enfin, si du coup Driver est d'accord. Pour le coup, on se vend, on se présente plutôt comme un couple. C'est-à-dire que si on pose la question, on se dit que oui, on est en couple. Mais pour ceux qui observent un peu, c'est vrai que c'est pas le couple fusionnel non plus. Il semble y avoir en effet une certaine distance malgré tout. C'est, ça a l'air de poser pas mal de questions. Si, un truc que je n'ai pas précisé, en réalité, mon vrai prénom, du coup, comme je l'ai dit, est Ashley. Mais vu que j'étais sur le point de devenir médecin, j'ai tendance à me faire appeler Driver. Pas Docteur Driver, parce que j'étais pas docteur, mais on a généralement tendance à garder cette espèce de petit signe de... comment dire, de politesse et de reconnaissance envers les confrères médecins. Bah écoutez, moi je m'appelle O'Brien Alexios. Vous me voyez souvent partir du groupe à la recherche de nouvelles personnes, de médicaments, de livres, de vivres aussi. Je suis de Miami. J'ai fait Harvard comme prof pour faire prof en université et tout ça. J'ai 28 ans. Mais on m'a mis dans une bibliothèque, la plus grosse bibliothèque du Miami. Du coup, je suis un des plus anciens dans le groupe. Mais vous me voyez souvent partir, je suis un peu social. Et j'aime bien donner des... J'aime bien lire, en fait. Et j'ai des tatouages. Voilà. Et je suis assez sportif, je fais de l'escalade et tout ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je m'appelle Dwayne Simpson. J'ai 43 ans. Je viens d'une petite ville du nord de la Floride. Ça s'appelle Saint Mary, qui est à la frontière avec la Géorgie. Je suis là-bas mécanicien, je tiens un petit garage, une concession Ford. Je répare principalement des véhicules agricoles, mais de temps en temps, je vends une ou deux bagnoles. Et justement, quand tout ça est arrivé, j'étais en voyage d'affaires à Miami pour acheter des pièces détachées, ce genre de choses. Un deal qui devait... être assez juteux, et donc j'ai laissé ma femme seule, Judith, à Saint Mary, et depuis je cherche à la retrouver, et donc je me dirige vers le nord. Malheureusement, à cause de quelques problèmes physiques, je suis un peu, on va dire, affaibli, notamment au niveau d'une de mes deux jambes, dans laquelle je suis ce qu'on appelle un boiteux. Et donc, je ne fais pas long feu seul, comme qui dirait. Et donc, ce qui m'a obligé à trouver un groupe pour pouvoir m'épauler et espérer rejoindre le Nord. Tout ce beau monde fait partie donc de cette fameuse communauté qui est constituée, je ne vais pas tous vous les présenter parce que vous apprendrez à les connaître en partie, mais qui est principalement dirigée, on va dire qu'ils ont quelques figures de leaders dans ce groupe, pour vous présenter au moins ceux-là, qui sont donc Richard Langstrom, qui est donc militaire de métier, qui est le leader des leaders, en quelque sorte. C'est celui qui a les rôles vraiment dirigeants en ce moment. Il est accompagné de ses deux compagnons, qui sont eux aussi militaires de métier, Jared Ross et Francis Berkin. On peut dire que pour le moment, vous êtes un peu sous direction militaire. Et vous avez aussi en contrepoids... Archibald Place et Melrose Place, qui sont des frères, et qui, eux, sont chefs d'un second groupe, une communauté qui s'est rajoutée à celle-ci assez récemment, et qui donc n'est pas parfaitement intégrée, pour ainsi dire, vu qu'ils sont même plus nouveaux que vous, dans ce groupe-là. On pourrait dire que ça fait un demi-mois qu'ils sont ici. Et ils servent de chef, donc, aux nouvelles personnes qui ont rejoint, que vous apprendrez aussi à connaître. Ils leur servent de chef ? En mode, il y a des frictions entre les différents chefs ou... Alors, j'y viendrai à ça. J'y viendrai juste après. Je précise aussi donc que vous avez Kali, qui est la dernière sur la petite liste, qui est la petite fille donc qui accompagne Ed. Et pour continuer donc sur... ta question. En effet, il y a plusieurs chefs et ils servent de chefs de second groupe parce que cette communauté est divisée, même si divisée est un bien grand mot tout de même, il n'y a pas de baston, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais elle est divisée sur plusieurs axes parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur quoi faire, comment faire, parce que tout le monde a sa petite idée. Et certains sont plus paniqués que d'autres. Les axes principaux de division... c'est principalement des questions purement communautaires, c'est-à-dire celles entre le premier groupe, le second groupe, et le troisième, qui est pas vraiment un vrai groupe, mais qui est constitué des trois derniers de la liste avant Kali, qui sont présents. Donc Bob Patrikak, Cillian Fenici et Peter Horvat, qui sont eux très récents, qui sont donc pas vraiment dans un groupe. Et ces trois communautés donc, qui forment la vôtre sont pas soudées, en quelque sorte. La plupart n'ont pas vraiment les mêmes intérêts. Et certains même pensent que votre présence tous ensemble est simplement temporaire. C'est-à-dire que certains pensent qu'une fois que la situation sera mieux, chaque groupe va se séparer pour aller continuer sa vie. Voilà. Certains ne sont pas non plus d'accord avec ça. Certains sont pour l'union totale, donc parfois même... en passant par le non-respect de la volonté des autres. Parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Et autre division aussi, c'est celle de l'isolation ou non. En effet, certains sont plutôt isolationnistes, c'est-à-dire d'empêcher le plus possible les gens de quitter les lieux, de les quitter que en cas de nécessité. Par exemple, pour le moment, le groupe, la seule personne qui peut sortir assez librement, c'est Alexios ici présent, vu qu'il sert de scout pour le groupe. C'est le seul qui a ses autorisations. Et il y en a d'autres. C'est le premier groupe qui est isolationniste ? Désolé de te couper. Le premier groupe est principalement isolationniste. Okay. Mais certains même ne le sont pas forcément. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et certains autres, au contraire, sont très expansionnistes, pour dire ça avec le meilleur terme que je peux trouver. C'est-à-dire vraiment, tout le monde devrait sortir le plus possible, se réapproprier le terrain, aller chercher de la bouffe partout, aller chercher des médicaments partout, et limiter le moins possible les mouvements. Voilà. Ce sont certaines des divisions, les divisions principales qu'il y a dans votre communauté. Et elles sont très à vif en ce moment, surtout aujourd'hui, parce que hier soir a été appelée une réunion d'urgence, car en rentrant de sa dernière vadrouille, Alexios a donné l'indication que la pharmacie la plus proche était à présent vide. En effet, elle avait déjà été pillée presque totalement quand le grand chaos avait éclaté, et tout ce qui restait, du coup, vous l'avez déjà consommé. Une réunion d'urgence a donc eu lieu, et bien entendu, tout le monde avait son avis, et tout le monde avait son contre-avis, et tout le monde a changé d'avis, et tout le monde n'a pas changé d'avis. Finalement, la réunion n'a mené à absolument rien en termes de décision, et on vous a envoyé dormir, et aujourd'hui, c'est le matin. Pour vous donner quelques indications sur l'intérieur du Cadillo Market, bien entendu, les rayons sont vides, et vous avez arrangé les rayons de manière à, pourquoi pas, se faire quelques petites pièces entre rayons, où vous les avez entassés certains dans certains endroits pour faire des espaces plus libres, voire même devant les vitres pour empêcher toute intrusion. C'est tout ce que j'ai à vous donner comme indication sur l'intérieur du Cadillo Market. Pour lancer la session active, je vous propose de m'indiquer les uns après les autres quel est votre état mental du jour. On va copier et crime pour que vous me disiez comment vous vous sentez aujourd'hui et pourquoi pas quel est votre avis sur cette réunion d'urgence et les problèmes qui ont été soulevés pendant cette réunion. Donc on va commencer avec Driver. J'aimerais d'abord savoir à peu près dans quel, je suis désolé, j'ai un peu renvoyé la balle, mais dans laquelle mood lors de la réunion se trouvait Cinda. Est-ce qu'on est plutôt isolationniste ou plutôt expansionniste ? En vrai, on aura des arguments pour rejoindre les deux. Alors, personnellement, sur la question générale, effectivement, je peux rejoindre les deux camps. Bien sûr, la réunion en fait, d'hier, je ressens totalement le camp expansionniste. En fait, d'une part, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé en fait, pour venir jusqu'ici. je sais que c'est pas mortel, quoi. Enfin, j'ai traversé trois états. Et bah, je me porte très bien, donc je pense que c'est pas genre s'éloigner de 2, 3, 4, 10 km qui peut vraiment faire du mal au groupe, quoi. Donc sur ce point-là, pour moi, faut oser y aller, parce que de toute façon, sinon on va manquer de ressources. Très bien. Du coup, de mon côté, à la base, j'étais plutôt isolationniste, mais les plus attentifs ont remarqué que au cours du débat, je suis passé de l'autre côté du camp, et que sans trop de ferveur, j'ai quand même commencé un peu à prêcher l'idée de l'expansionnisme. Mentalement, j'imagine quand même le moral est assez bas. On vit quand même une période assez trouble. Mais sur là, le court terme, mine de rien, ça peut aller. Le groupe a l'air plutôt honnête. Il réunit différentes parties. Et même si les gens sont pas tout le temps d'accord et ont pas l'air de trop s'entendre, au moins ils se tirent pas dans les pattes. On n'a pas l'impression qu'il y en a un qui va se faire sauter la cervelle. Alors, on n'a peut-être pas autant d'armes à feu, quoique il y a des militaires, mais à la moindre occasion, on n'a pas l'impression que les gens vont s'entretuer. Malgré tout, moi, je sais, voilà, il y en a qui ont l'air plutôt amicaux. J'ai vu qu'on avait, par exemple, loin, une espèce de gothique chanteuse de rock, si j'ai bien compris. J'ai écouté vite fait une conversation l'autre jour. Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir des artistes, et je me dis que si un jour on pouvait mettre la main sur une guitare, ça pourrait donner quelque chose de très très sympa. De l'autre côté, il y a des types un peu chelous comme ce boucher que je trouve vraiment très inquiétant que j'essaie d'éviter un peu. Après, je sais que le monde est empli de préjugés, que parfois, en apprenant à connaître les gens, justement, on peut révéler une bonne nature chez eux. C'est juste qu'actuellement, je suis pas trop dans l'idée d'essayer de découvrir la bonne nature chez les gens et du coup, bah, plutôt de survivre, forcément. Donc, pour résumer, ce serait à peu près ça. Généralement, évidemment, ça va pas très bien parce que je connais pas grand monde qui se plaît dans l'apocalypse. Mais sur le court terme, je trouve que ce face à quoi on a affaire là tout de suite maintenant est quand même plus rassurant que ce à quoi on a pu faire par le passé. Et je me dis que si jamais on arrive à mettre la main sur les dites ressources qui nous manquent actuellement et qu'on arrive à oublier la fin, peut-être que les choses pourraient bien se passer. Donc, très stressé, mais avec une petite pointe, une petite lueur d'espoir à l'horizon, qui permet de garder la tête haute au jour le jour. Bien, de mon côté, je vais rejoindre quand même pas mal les paroles d'Ashley, de Driver, pour qui est son nom. Je suis d'accord, en fait, sur le côté, peut-être que oui, le moral doit pas être au plus haut, parce que t'es pas en train de vivre la période la plus drôle de ta vie, puis surtout 2 mois, malgré tout, c'est peut-être... Est-ce que c'est suffisant pour que tu te sois déjà habitué, je sais pas. Mais, effectivement, sur les vraiment court terme, pareil, je suis plutôt sur une pente plutôt ascendante, plutôt positive, en fait. Malgré tout, on a trouvé un lieu où on est accepté, un endroit où on se sent en sécurité. Moi, j'ai rencontré Driver récemment, donc ça joue aussi dans mon moral de l'avoir à mes côtés. Et voilà, il y a quand même pas mal de positifs. Pareil, le groupe est assez mixte, en fait. On n'est pas tombé sur un groupe d'extrémistes blancs qui m'aurait fait très peur. C'est mix, il y a ce qu'il faut, donc ça va, tu vois, tu peux t'y sentir en sécurité, même si je me suis pas encore intéressé à la question de vraiment l'intégrer de manière active. Pour l'instant, je suis plutôt passif à voir un peu ce qui se passe. Mais voilà, je sens qu'au moment où je vais pouvoir y aller et commencer à vraiment aider et être au cœur du groupe, je sens que ça peut quand même bien se passer, malgré le fait qu'il y a des petits différends. Dwayne, de son côté, il va faire que des interventions complètement hors sujet et juste parce qu'il veut pousser le groupe à s'en aller de cet endroit et à partir ailleurs. Et donc, en fait, à chaque fois, il va à la moindre occasion qu'il pourra, il va essayer de ramener cette idée de bouger et de se déplacer et de migrer, en fait. Et donc, sinon, il va pas faire grand-chose et il va un peu rester dans son coin. On ira un peu... et voilà. Par rapport à Ed... je suis vraiment dans l'idée de veiller à la sécurité de tout le monde, et plus particulièrement de Callie. Je suis toujours un œil sur elle, où elle est, on est assez, c'est assez fusionnel entre nous. Pour ma part, je suis assez assez indécis sur la marche à suivre parce que d'un côté, on a trouvé une certaine sécurité dans ce lieu où on est tous ensemble. S'il devait arriver quelque chose, on aurait plus de possibilités de se défendre. Mais à côté, voilà, j'ai bien conscience que les denrées, les vivres, les rations commencent à s'amenuiser et qu'on ne pourra pas éternellement rester sur les lieux. Il faudra un moment partir ou peut-être essayer de pousser plus loin les recherches. Mais voilà, j'ai quand même peur pour Kali, parce que ça veut dire s'exposer aux rôdeurs. Et voilà, on a déjà beaucoup souffert de ça et je veux pas la mettre en danger. Je sais pas trop en fait. Je suis encore assez indécis. Alexios, lui, il est dans son coin en train de lire et en même temps en train d'écrire sur un carnet de bord qu'il entretient depuis les 2 mois que ça a commencé pour dire où il a été avec la carte. Il y a en même temps la carte et tout ça. Mais je jette les nouveaux arrivants, enfin les nouvelles plutôt. Je jette aussi la petite fille et Ed pour éviter, parce que je me méfie du bouquet aussi. Moi, dans ma tête, je me dis bon, je vais essayer de repérer une station ou une bagnole pour me barrer ou avec des gens qui veulent se barrer avec moi parce que j'en ai marre des militaires. Donc, j'ai envie de rejoindre le Québec dans ma tête. Donc voilà quoi. Donc, des positions intéressantes. J'ai juste une question pour Dwayne. Quand tu parles de déménager, enfin de migrer, tu parles de migrer hors de la ville ou juste de quitter la supérette parce que la supérette c'est nul? Je parle carrément de quitter la ville, oui, ça c'est clair, de quitter Orlando. Miami. D'accord. Bah, a priori, tu t'es trouvé un compagnon qui veut voyager avec Alexios. Donc le matin commence doucement. Dans un coin, pour ceux qui sont déjà bien réveillés, vous pouvez sentir et voir Bob Patrickac, qui est le plus vieux du groupe, il a 81 ans, qui est un ancien cuisinier, qui est déjà en train, avec un petit réchaud, en train de faire de quoi nourrir les gens pour le matin. De quoi mettre un peu sur pied tout le monde. En effet, si niveau médicaments, on commence déjà à être à sec, niveau nourriture, vous en êtes pas encore au moment où vous allez devoir rationner les toutes petites parts. Vous avez encore de quoi grignoter le matin et avoir au moins un repas dans la journée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour le matin. Je pense qu'avec Cinda, on va rester un petit peu de notre côté, dans le fond du truc. Alors là, on est d'accord, du coup, on part pas en expédition ni quoi que ce soit, là. Pour l'instant, on est juste... Non, c'est juste un matin comme les autres, aujourd'hui. Très bien. Dans ce cas, je pense qu'on va rester un petit peu dans notre coin, éventuellement adresser la parole à 2-3 personnes qui peuvent parler, essayer de se rendre un petit peu utile en proposant, par exemple, au cuisinier un coup de main, si jamais on en a besoin. Sinon, je pense que je vais adopter un petit peu la même attitude que O'Brien et rester de mon côté et lire. Je sais que j'ai toujours un petit bouquin sur moi aussi et voilà, passer le temps quand il faut passer le temps comme ça, et puis sinon essayer d'aider à droite à gauche. Je sais pas s'il y a des barricades à certains endroits qu'on pourrait aider à refaire, dans ce cas là un petit coup de marteau par-ci par-là, un coup d'œil à travers une ville pour voir s'il y a beaucoup d'arpenteurs dans la rue, peut-être tenir les comptes, voir s'il y en avait moins ou plus que la nuit dernière, ce genre de trucs. D'accord. Alors, pour indication, en termes de barricades à l'intérieur, vous n'avez pas grand-chose, si ce n'est que vous avez sûrement poussé quelques étagères devant les vitrines et ainsi de suite. Ok. Vous avez quand même de quoi voir à l'extérieur, et à l'extérieur, comme l'image que je vous ai envoyée, il y a quand même un certain parking devant ce Cadio Market, et il n'est pas fou d'imaginer que vous avez déplacé quelques voitures de manière à garder ce parking de manière assez sécurisée. Donc, ouais, il n'y a pas de menace immédiate. Ok, très bien. Ça pourrait déjà éviter que des choses puissent, du coup, et des arpenteurs ou même des humains puissent se cacher derrière des véhicules sans qu'on les voit, et de l'autre faire une espèce de barrière un petit peu naturelle au niveau. J'imagine que les arpenteurs, je me souviens, c'est un peu débile. Si jamais tu mets un obstacle au niveau d'une rue, ils essaient pas de se rentrer dans la rue, ils vont continuer à marcher en allant ailleurs, non? Oui, ils vont quoi. S'il y a rien qui attire leur attention, ils se contentent de déambuler. Dans ce cas-là, voilà, parfait. Bon, après, de mon côté, bon, t'as dit qu'il restait plus beaucoup de médicaments, mais peut-être que si je suis censé être du coup le docteur du groupe, peut-être que tenir à jour les comptes pourrait être une bonne chose. Première chose. En effet. Pour le reste, il y aurait plein d'autres trucs à faire, mais je vais laisser ça aux autres. En effet. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore remarqué, il y a une deuxième personne qui s'y connaît un peu. Enfin, toi, tu le sais en tant que personnage. Mais il y a une autre personne qui connaît un peu aussi la médecine dans le groupe, moins que toi cependant. C'est Misha Ashley, qui est ambulancière. Donc voilà, elle n'a pas non plus d'énormes connaissances, elle a juste le minimum pour être ambulancière, c'est-à-dire juste pouvoir réagir en cas d'urgence. Sinon, elle se contente de conduire. Très bien. Donc voilà, c'est celle avec laquelle tu es amené à travailler et à gérer le stock de médicaments. Sinon, de mon côté... Je vais aider s'il y a besoin de bras, s'il y a des choses assez volumineuses à porter, étant quand même un sacré gaillard. D'ailleurs, vous remarquez, hein, je suis assez grand, je dois faire quasiment dans les 2 mètres. Quelqu'un d'assez costaud physiquement. Souvent, c'est à moi qu'on demande s'il faut transporter des charges lourdes ou quoi. Mais sinon, s'il n'y a pas grand chose à faire, je passerai du temps avec Kali et voilà, discuter avec elle. Elle aime bien dessiner, donc du coup, elle me demande de regarder ce qu'elle fait. Elle fait des portraits des gens, et du coup, je passe le temps avec elle à discuter ou avec les familles qui sont avec nous. Et les aider s'ils ont besoin. Voilà. D'accord. En termes de travail immédiat, t'as pas grand chose à faire parce que les vivres sont déjà rangés dans un coin, ainsi de suite. Donc t'as pas grand chose à déplacer. Donc en effet, je pars du principe que tu passes donc ton temps avec Kali pour ce matin. Moi, je voudrais faire un check-up du coup de mon pick-up. Enfin, sortir du coup de la supérette. Faire un check-up de mon pick-up et je voudrais faire un état des lieux, entre guillemets, parce que bon, dans la panique, dans tout ce qui s'est passé, j'ai eu plein de petits accrochages, ce genre de choses, et je voudrais savoir si jamais je voudrais l'inspecter, voir s'il n'y aurait pas de vis qui serait capable de le foutre en l'air, ou voir ce que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire pour, si jamais... Enfin voilà, juste inspecter, voir qu'il n'y ait pas de couilles dans le pâté, pour le dire grossièrement. D'accord. Donc, comme à chaque fois que quelqu'un s'approche de la porte de sortie, on te demande bien entendu de justifier la raison pour laquelle tu sors, et semblerait que certains n'aient pas très envie que tout le monde se parte en courant, en particulier le grand chef du groupe, Richard Langstrom. Je ne vais pas... t'indiquer particulièrement ce qu'il dit, c'est très général, et te pose surtout la question de pourquoi tu sors ainsi de suite. Bien entendu, un de ses... c'est-à-dire Jared Ross, qui est le plus bienveillant avec vous des trois, se met bien, très rapidement de ton côté en disant que non, il n'y avait aucun risque que tu partes en courant de toute manière, et tu as tout à fait accès à l'extérieur, à ton pick-up. Pick-up qui, bien entendu, est très proche de la porte d'entrée, vu que bon, j'imagine que tu ne l'as pas laissé en tant que barrière pour... Je pense que je l'ai laissé sur le parking, mais peut-être... j'imagine qu'on a peut-être dû sortir, tu sais, il y a des abris pour caddie, et j'imagine que parfois... Enfin, on a dû les sortir, les vider pour faire je sais pas quoi... Enfin, après, je sais pas s'il y a des caddies pour une supérette, mais bon... Bref, tout ça pour dire que je l'ai mis sur le parking, dans un abri... Enfin, dans un abri un peu à l'abri... un peu à l'écart, voilà. D'accord. Si tu le permets, il y a Adam Sparrow, qui est un vieil homme de 73 ans, qui est très volontaire, vous l'avez remarqué, dans ce groupe, à chaque fois qu'il a besoin de donner un coup de main, il est là et il se propose directement à toi. Je ne sais pas si tu le... qui propose au moins de t'aider, peut-être, de te porter quelques outils si tu en as besoin. Bah, j'accepte avec plaisir. Très bien. Donc, il sort avec toi. Je ne l'ai pas précisé, mais... je suis assez solitaire et... enfin, pas vraiment... Je ne cherche pas le contact vraiment avec les gens, mais... ça fait toujours plaisir, quoi. De parler, de pouvoir juste être avec quelqu'un. Et on va dire que je suis peut-être un peu timide, quoi, mais... voilà, c'est... voilà, je l'ai un peu oublié lors de ma présentation, mais voilà. C'est avec plaisir que j'accepte ta conseil. Eh bien, très bien. Il me manque... Alexios. C'est Alexios qui me manque. Du coup, moi, je range mes affaires, mon bouquin et tout ça. Je vais chercher à bouffer. Je prends mon sac, mon flingue et une balle... attends, je vais regarder quand même ce que j'ai comme un truc. Et c'est tout, et mon sac. Et je vais voir Richard Langstrom. Et je lui demande si je dois aller où je dois aller avec la carte pour voir s'il y a de l'essence quelque part, si jamais on doit partir, des trucs comme ça. D'accord. Donc, quand tu t'approches de Langstrom, enfin, on va l'appeler Richard, vu que vous parlez par prénom ici, vous en utilisez dans ta vie. Quand tu t'approches de Richard, tu vois qu'il est déjà en discussion avec ses deux seconds. En effet, a priori, il a encore une fois pas apprécié qu'un de ses seconds se mette directement du côté du bas peuple et donne des permissions comme ça de sortir à tout moment. Et il te prend presque pas en compte jusqu'au moment où tu es impossible à ignorer. Et je ne vais pas te jouer la scène, mais il te fait rapidement comprendre qu'aujourd'hui, il va falloir attendre si tu veux bouger, parce qu'il y a encore des choses à régler avec le reste du groupe. Voilà. Bon, du coup, je vais voir Cinda et Ashley pour faire connaissance, du coup. Et je pars les voir. Tout en me disant, dans ma tête, que c'est des gros connards de fachos. Et je pars à voir les deux filles. Voilà. D'accord. Cynthia, vu que c'est la dernière qui nous reste à passer. Il n'y a pas de I dans le prénom, mais c'est bien moi. Cynthia. non, moi si j'ai gardé le silence, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème sur l'ordre, parce que en fait, Ashley a parfaitement résumé quand elle a commencé par je restais un peu avec Cynthia, parce que c'est effectivement ça, c'est-à-dire que je vais suivre un peu. Driver pour respecter son envie d'être nommé par son nom. Et en fait, c'est surtout que, comme je le disais avant, et c'est pour ça que je reste un peu silencieux, parce que bah, en fait, je reste très discrète pour l'instant dans le groupe. Donc, du coup, en fait, j'ai exactement la même posture que Driver, c'est-à-dire que voilà, si on demande un coup de main, etc., bien entendu, je dis oui, bien entendu, j'aide la communauté. Mais pour l'instant, je prends pas les devants, c'est pas moi qui vais les voir en mode viens, il faut faire ça, viens, tu vas m'aider, ou un truc comme ça. Donc pour l'instant, en fait, je reste très discret, donc c'est pour ça que j'ai laissé les tours, parce que j'avais pas grand chose à dire de plus que j'aide les gens quand ils en ont besoin, et je reste avec Driver majoritairement. Surtout qu'on peut pas, j'allais dire, on peut même pas trop parler des gens, notre ressenti sur la situation, parce que vu que la supérette est assez petite, forcément les gens entendraient notre discussion, donc on peut pas dire des trucs comme comment tu les sens, qu'est-ce que tu penses de celui-là, est-ce qu'on devrait pas s'en méfier, ou eux ont l'air sympas, tu vois. Donc c'est vrai. J'imagine que ça doit être un peu qu'on essaie peut-être le soir de temps en temps, c'est genre si les gens dorment et que nous on fait une insomnie ou un truc comme ça, je sais pas du tout comment on passe la nuit, mais effectivement c'est vrai qu'on a rarement un échange direct de nos ressentis. J'imagine qu'il y a quelques couvertures qui ont été allongées sur le sol, peut-être quelques oreillers si on a pu fouiller 2-3 maisons. Mais je pense pas qu'on ait un matelas par personne, par exemple. Oui, non. Alexios a sûrement fait de son mieux pour vous ramener ce qu'il y avait de mieux à trouver, mais... bon, vous avez pas, vous êtes pas dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Vous êtes... à la place de mettre 20 personnes, votre son dans une super aide dans des conditions un peu décentes. Vraie question par contre, tout ce qui est au niveau de la toilette, etc. Genre, du coup, on prend pas de douche, j'imagine. Est-ce que quand même, j'avais supposé, par exemple, en début d'introduction, mais tu me diras si j'ai eu tort ou pas, que les gens laissaient peut-être genre dehors des bassines et que quand il pleut, bon, t'as qu'un gant de toilette. T'es... Parce que l'eau courante, évidemment, j'imagine, ne passe plus. Je sais pas au bout de combien de temps l'eau courante se coupe. J'imagine que. Non, depuis 2 mois, oui, en 2 mois, ça a eu le temps de s'arrêter. Tout ce qui est électricité. Donc, vous faites avec le système D, donc. Vous avez des tonneaux, des casseroles et ce genre de choses qui sont à l'extérieur et qui prennent l'eau. Et quand vous en avez besoin, quelqu'un va les chercher et va s'isoler dans un coin, voire dans les toilettes de la supérette, et fait ses affaires là-bas. Ok, très bien. Oui, logique. Ouais, du coup, ça, voilà. Propreté un peu compliqué, quoi. C'est... Forcément, l'eau dans les toilettes, elle est pas l'eau de ta douche. Du coup, là, là, ce qu'on est en train de faire, en gros, c'est genre, là, ça nous prend la matinée, là, parce qu'on est... Oui, vous faites votre petit quotidien pour le moment. D'accord. Voilà. Et donc, vous deux, Driver et Cinda, vous êtes un peu dans un coin en train de discuter. Vous faites quoi exactement? On va dire que la majorité de la matinée, on la passe dans notre coin, soit bouquiner, soit légèrement parler à voix basse. Ouais, vas-y. Non, c'est Driver aidait un peu à l'infirmerie, mais je pense que vu que les vies commencent à manquer, ça passe pas la matinée, quoi. Comme provision, comme. Bah, en fait, ce que je voulais, enfin, essayer d'un peu de créer de l'interaction un peu entre nous, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est très peu dans l'interaction. Il y a Alexios qui vient nous voir. Ouais, c'est tant mieux, il y a Alexios qui venait nous parler aussi. En fait, au bout d'un certain... Enfin, je sais pas dans quel moment ça va arriver, mais un peu dans la matinée, vous nous voyez arriver, moi et... Enfin, Kali et moi. Avec, j'ai le bras posé sur son épaule et limite presque un peu en train de la pousser gentiment, de façon amicale. Vous voyez qu'elle est un peu rouge, un peu intimidée. Qu'elle tient dans ses mains des feuilles de papier et vous m'entendez lui dire mais vas-y, t'as pas peur, elles vont pas te manger et donc elle est là ouais mais je sais pas trop, peut-être qu'elles vont trouver ça moche, je vais aller, vas-y, c'est vachement bien ce que t'as fait. Et du coup elle s'approche finalement de vous deux. Et vous tend à chacune d'entre vous une feuille. Et vous voyez qu'elle a dessiné votre portrait sur chacune des feuilles. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Elle a 7 ans, elle a beaucoup de crayons pour son âge. Vous voyez qu'elle s'est appliquée. Elle a fait comme elle a pu au niveau de la couleur, parce que, bon, manque quand même de ce genre de. Des choses, mais c'est pas si mal. Et vous voyez qu'elle vous tend les feuilles toutes rouges, assez intimidée, et vous regarde un peu tête basse. Je regarde de côté la feuille un petit peu émerveillée en la prenant, et je lui fais mais merci. Et en sentant un petit peu sa timidité, j'essaie justement pareil de mon côté de faire un petit peu le premier pas. Malgré tout, je suis quand même touché par cette. Initiative. Et du coup, je lui demande comment tu t'appelles déjà ? Kali. Enchanté. Moi, c'est Ashley, mais tu peux m'appeler Driver. Et je lui tends la main comme pour lui serrer. Elle te tend la main, un peu fragile. Ok. Moi j'appuie le truc, hein. Quand je vois le dessin, je suis en mode « Oh, c'est magnifique !» Elle a un petit sourire de satisfaction. C'est vrai, vous aimez mon dessin ? Bien sûr. Ben, merci, c'est gentil. Alors, j'essaierai de vous en faire d'autres, alors, si vous les aimez bien. Avec grand plaisir. Et je regarde ton dessin, je la remercie. Du coup, je prends un petit bouquin, tu sais, pour les enfants avec des images, des trucs comme ça. J'en avais un dans mon sac et je lui donne. Oh, merci, merci. C'est gentil. De rien. Toi, tu t'appelles comment ? Alexios. Alexios. Bah toi, si je te ferai un dessin. Merci. Donc vous me voyez avec un grand sourire. Bah tu vois, c'est, ils t'ont pas mangé. Puis t'es contente maintenant. Bah merci beaucoup pour elle. Elle est un peu timide, mais avec le temps, vous arriverez vite à comprendre qu'elle est pas si timide que ça, en vrai. Bah du coup, justement, moi j'aimerais faire la discussion très rapidement avec du coup Ed, et je lui fais elle a quel âge ? Au moment où peut-être la fille commence à repartir, mais avant que lui ne commence à partir de son. Elle a 7 ans. Oh. Ouais, ça j'ai. Va d'accord. C'est dur. J'ai été dans une communauté avant d'arriver ici. J'étais avec elle et sa famille, ses parents. Ah, malheureusement, ouais. On est tombé sur un groupe de rôdeurs et j'ai pas pu les sauver. J'ai pu que sauver la petite. Depuis, on est comme une famille tous les deux. Je vois. À ce moment-là, je regarde moi la petite qui s'en va du coup l'air un petit peu peut-être attristée en comprenant que c'est pas vraiment son père. C'est dur dit comme ça, mais je veux dire que ses parents sont décédés. Triste histoire. Moi je regarde Ed et je lui ai dit si vous voulez, je lui donnerai quelques cours si jamais elle a besoin, comme ça elle garde toujours des trucs, enfin toujours des liens avec l'école et tout ça pour pas la sortir du contexte. C'est gentil. Ouais, non, c'est très gentil de votre part. J'avoue que je suis pas le plus à même de faire ce genre de choses. Ma formation professionnelle n'étant pas très évoluée. Mais je vous remercie. C'est très gentil de votre part. D'ailleurs, si vous, je parle à vous trois, hein, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas. Je suis aussi à votre disposition. Et surtout, n'hésitez pas à me demander, comme moi je suis le plus souvent dehors, à me passer une liste de courses et je vous ferai ça. Oh, bah merci, c'est très gentil. Génial. Je m'en vais. Adorable. Bon, du coup, je reste avec les deux filles pour savoir comment elles se sentent actuellement vis-à-vis de la réunion de hier. Eh bien, de ce que j'ai compris, les gens savent pas trop où aller. Il y a l'air d'avoir encore pas mal de conflits au niveau du groupe. J'ai quand même l'impression que Richard, je crois, à ce moment-là, je baisse un petit peu la voix pour pas trop que les gens autour entendent, a l'air de pas mal vouloir imposer son avis au reste. C'est vrai. Moi, j'écris un truc sur un papier, sur mon calepin, c'est mon journal de bord. Je l'arrache et je le donne aux deux filles. Et sûr, et je sais pas s'ils l'ouvrent. Quand ils vont l'ouvrir, ils verront que j'ai fait un petit résumé du groupe. Que Richard, hein, c'est pour moi, je le considère comme un gros facho parce qu'il veut pas nous laisser faire un peu ce qu'on veut. Et que moi, je risquais de partir si elles voulaient venir vers le Québec, vers le nord du pays. Parce que moi, j'en ai marre de rester dans un groupe où les mecs ils nous foutent des flingues sur la tempe. Et voilà quoi. Et que je ferai la proposition à Ed et Kelly. Et à Kali et à Jade, à la roqueuse. Voilà. Pour l'instant, je connais pas l'autre monsieur. Donc, d'ailleurs, j'en profite. Pareil, là, assez bas pour pas trop que les gens nous entendent. Mais pas, sans non plus surjouer au niveau de langage verbal le fait qu'on un peu, on va dire, complote. Tu comprends ? Du coup, quand même que le. Que Adam Sparrow avait l'air d'être un homme plutôt serviable et que personnellement je laisse sous-entendre que si en effet suffisamment de monde est prêt à partir du groupe, ça me dérangerait pas de suivre. mais que je partirais pas si on partirait à 4, par exemple. Je regarde quand même Cinda pour voir si elle a l'air d'approuver ou pas. Oh oui, j'approuve totalement, mais... pour l'instant, je reste un peu... très discrète sur la question, quoi, genre... j'ai besoin du temps pour y réfléchir, et surtout pour parler peut-être tête à tête, avant de se décider. Moi, je pars du groupe, je leur dis, bah, passez une bonne matinée. Et moi, je pars dehors voir Dwayne. Je pars dehors voir Simpson. Très bien. Eh bien, justement, je vais passer à Dwayne. Bon, pas directement avec Alexios, vu qu'il a quand même eu le temps de faire quelques trucs pendant que vous faisiez votre discussion. Dwayne, tu es... là. Très bien. C'est... oui. Donc, Dwayne, pendant ce temps, t'es à l'extérieur, donc, à faire... à vérifier l'état de ton pick-up. À voir si tout va bien, s'il est en état de partir dès que t'en auras envie, si il faut. Avec toi, donc, Adam, qui... c'est clairement pas un pro de la mécanique, même pour te dire, tu remarques très vite qu'il y connaît rien du tout. D'ailleurs, il t'indique très rapidement qu'à la base, il est professeur d'ethnologie. Donc, c'est pas vraiment son domaine. Mais il est là pour t'aider. Et en effet, pendant que tu bidouilles dans toutes tes affaires et tout ça, Adam se rapproche un peu plus de toi, histoire de pas juste tenir tes outils. Et t'adresse la parole en ces termes. Dites-moi, j'ai cru comprendre que vous vouliez quitter les lieux. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'on est en sécurité ici. Déjà, et puis... comment dire... Oui. Vous le répétez pas, mais... personnellement, si j'arrivais à trouver des personnes qui voudraient bien partir avec moi, une fois qu'ils seront en état de marche, je serais pas contre essayer une petite virée et puis une petite virée, voilà quoi. Je pense pas que ce soit la meilleure des idées de rester dans des endroits où certes, du coup, il y a beaucoup de ressources, mais s'il y a beaucoup de ressources, c'est qu'il y a beaucoup de population à la base. Et, enfin. Je suis pas trop habitué à ce genre de truc déjà de base dans ce genre d'environnement et je pense que ça ne fait qu'empirer maintenant. Alors, effectivement, oui, je suis pas à l'aise ici, je veux pas rester ici. Et j'ai des choses à faire ailleurs et voilà. Oui, je comprends parfaitement votre avis. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un effet de meute, ou je sais pas encore quel nom on a ça, mais ces choses qu'il y a dehors pourraient bien s'amasser à nos portes. Voilà, exactement. Et puis, enfin, je veux dire, on est à Miami. Enfin, vous imaginez tous ces putains d'adolescents, ces spring breakers qui viennent se défoncer la gueule et qui sont tous là, qui sont tous transformés en marcheurs. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non, on n'est pas en sécurité, si ça j'en suis sûr, et c'est pas la pauvre cloison en verre de ce putain de supermarché qui va nous protéger de tous ces gens, de toutes ces choses. Non, non. Je compte pas rester. Sur ça, je suis d'accord. Mais j'ai juste quelque chose qui me turlupine, c'est quand vous dites que vous voulez partir avec certaines personnes, est-ce que vous voulez dire que vous saisirez la première occasion qui viendra, ou est-ce que vous comptez peut-être essayer de convaincre toute la communauté peut-être de se déplacer? Moi, je pense pas que c'est une bonne idée de former des grands groupes comme ça, de rester ensemble et je veux dire, je pense qu'on devrait tous se séparer en plein de petits groupes et s'isoler tous les uns des autres. Parce que c'est pas une bonne idée de se concentrer, parce que la concentration amène à la concentration, et à la fin c'est plus des gens qui vont venir, mais c'est des marcheurs. Et je pense très clairement que si jamais on se disperse et qu'on arrive tous à vivre tranquillement dans notre coin, on croisera plus ces choses au bout d'un moment, je sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vois, mais je dois avouer que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette dernière partie. Je pense que si en effet il y a nécessité de quitter les villes, peut-être de s'installer à la campagne, en effet, mais les groupes, c'est important. C'est comme ça qu'on a lancé la civilisation et c'est comme ça que sûrement on va la relancer. Oui, mais vous savez très bien, et c'est comme ça que la civilisation a chuté. C'est un putain d'effet de boule de neige. Regardez, on a fait le plus grand groupe de tout. Enfin, je veux dire, c'était ça l'humanité, c'était un groupe. Est-ce que c'est le fait d'être un groupe, ça lui a empêché de tomber? Non, je pense pas. Alors moi, je dis que si jamais tout le monde est dans son coin, au bout d'un moment, ça finira par passer. Et là, peut-être qu'on pourra effectivement recommencer à faire des groupes. Mais moi, je pense qu'on devrait être relativement peu nombreux, dispersés. Et ça, ensuite. Peut-être qu'au bout d'un moment, oui, mais là, je pense pas que la situation se prête à faire des énormes rassemblements. Hein, je veux dire, voilà, quoi, c'est pas... On n'a pas les compétences, on n'a pas les gestions. Vous avez vu, on a bientôt plus de médicaments. Ça consomme très, très rapidement beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, un énorme groupe, là. Là, on arrive aux limites, alors que combien on est putain, et on est quoi, une dizaine, même pas, une quinzaine dans tout ce groupe, 20 même pas, enfin je fasse le compte, j'ai même pas compté, mais tout ça pour dire que c'est petit en soi, c'est pas énorme comme groupe, c'est quoi, c'est une classe d'école, et pourtant on a déjà consommé quasiment plein de ressources, enfin je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, ça tient pas de faire des grands groupes, surtout si on va vivre à la campagne, parce que faut être logique, il y aura moins de ressources à la campagne, ça je le sais, il y a moins de ressources à la campagne, mais c'est coup, moins de ressources parce qu'il y a moins de gens, et moins de gens, ça veut dire que on est en sécurité. Après, vous êtes libre d'avoir votre propre avis, hein, moi je. Oui, de toute manière, je ne vais pas essayer de vous convaincre, tout le monde pense comme il veut. D'ailleurs, je vais même faire plus que ça. Je vais vous donner un conseil si vous voulez vraiment quitter ce grand groupe et peut-être vous faire une petite communauté et partir. Je pense que vous devriez peut-être vous tourner vers Melrose. Il a souvent parlé du fait que son groupe devrait se séparer de l'actuel, donc si vous voulez partir en virée, j'imagine que c'est la première personne que vous devriez aller voir. Ouais, effectivement, c'est vrai que je lui ai pas trop parlé depuis son arrivée, mais ça pourrait être... Ouais. Merci. Ouais. Sur ce moment-là, c'est le moment qu'Alexios décide de prendre pour quitter la supérette et rejoindre donc votre petit duo autour du pick-up. Donc, Alexios, si tu as quelque chose à dire en arrivant. D'ailleurs, je dis bonjour à mon confrère qui est Adam Sparrow. Avec Monsieur Sparrow, je lui dis bonjour parce qu'il sait très bien que je devais être prof. Du coup, je lui dis bonjour tout naturellement, avec un grand sourire. Et je lui dis bonjour à Simpson. Et je vais les voir et tout, comme c'est dehors. Et je parle un peu doucement en leur expliquant que je compte bientôt partir faire du repérage pour de l'essence ou des trucs comme ça. Et que j'aimerais bien que partir d'ici, vers le Québec, plutôt vers le nord, et que j'aimerais bien que ces deux que Simpson et Sparrow fassent partie du voyage, quoi. Je leur explique qu'il risque d'avoir Jade Munoz aussi, Ed et Kali, et j'attends de voir, pour l'instant j'en ai pas parlé encore à Ed, et j'attends de voir que pour les deux autres filles qui étaient et à l'intérieur, j'attends de voir leur réponse, donc voilà quoi. Et que si jamais ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils me fassent une liste pour que je puisse aller récupérer leurs affaires, quoi. Quelques affaires. Donc voilà. Bah, moi, juste quand Alexios il arrive, je me retourne un peu subitement et je fais genre que je suis occupé et je suis en train d'expliquer des termes au monsieur. Ça, c'est le carburateur, vous voyez, si vous voulez vérifier le niveau de vie et tout. Et puis. Bon, quand il commence à parler, je commence à l'écouter, puis... j'ai un peu un air un peu dubitatif, comment dire, de... au bout d'un moment, je finis par retourner et le regarder et écouter ce qu'il me dit. Mais j'ai pas, comment dire, l'air de valider grandement tout ce qu'il dit. Puis je l'ai juste à... Ouais, d'accord, intéressant. Ok. Du coup, moi, je les regarde faire et tout un peu, et après... j'explique aussi à Monsieur Sparrow que je risque d'aller à la bibliothèque. Si jamais on doit partir, je risque d'aller à la bibliothèque avant de vraiment partir. S'il lui fallait un bouquin ou un truc comme ça. Ah bah justement, dès que tu parles de bibliothèque, t'as même pas besoin de lui proposer qu'il aille te trouver un bouquin. Il te saute directement dessus, pas physiquement, pour t'indiquer que... Ah mais oui, en effet, il me faudrait, tu vois, qu'il te sort un petit bout de papier avec un stylo, a priori, il a trouvé moyen d'en avoir dans toutes ces situations. Et il t'écrit quelques titres et tout ça, il te passe directement la feuille. Et en jetant un petit coup d'œil dessus, tu vois que c'est que des bouquins sur les sociétés primitives, les sociétés pré-civilisation, et comment ils se sont constitués en civilisation. A priori, il y a des idées... Très bon choix. Je dis très bon choix. Il y en a un sur les quatre que, enfin, un sur les livres que vous avez demandé que j'ai lu pendant mes pauses à la bibliothèque. Donc je vous amènerai tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Ça va nous être très utile, vous allez voir. Pas savoir ce que vous voulez faire. Du coup, moi, je repars à l'intérieur et je vais voir quand même encore. Je reste dans mon coin, je me mets en haut, tu sais, en hauteur, hein, et je bouquine. En regardant oui. Jade. Oui. D'ailleurs, je ne voulais pas indiquer, et j'aurais dû vous l'indiquer, mais depuis l'intérieur de du Casio Market, vous avez accès, en passant par l'arrière du Casio Market, à une petite échelle qui vous permet d'aller sur le toit du Casio Market qui est plat. Ouais, ben moi je vais là-haut et je sais pas qui... Donc souvent le passage est quand même régulé, encore une fois, par Richard et ses deux hommes, parce que c'est toujours un moyen de dégager. Mais ils sont plus dociles pour aller sur le toit que pour sortir sur le parking. Dans ce cas-là, ça fait combien de temps qu'on est dans la supérette, nous ? On est arrivé il y a combien de temps dans la supérette ? Ça doit faire un mois. Ok, je pense que on doit de temps en temps, avec notamment... Cinda, du coup. C'est vrai qu'en vrai, au bout d'un mois, on se décrit assez discret, finalement. On est peut-être quand même un peu plus familier avec les gens. Mm-hmm. Peut-être quand même qu'avec le temps, avec les peu de personnes avec qui on a pu discuter, on apprécie de temps en temps, je pense, se retrouver sur le toit comme un petit peu en prétextant juste vouloir prendre l'air, ce qui est normal et sans doute, du coup, l'endroit le plus sain et le plus safe pour aller prendre l'air plutôt que dans la rue. J'imagine qu'il doit quand même y avoir des arpenteurs qui passent au niveau du parking de temps en temps. Du coup, voilà, je pense qu'on utilise un peu ce prétexte-là justement pour se retrouver seul à seul lorsqu'on a envie de discuter avec certaines personnes précises. Je suis désolé, peut-être que dans mon roleplay ça s'est ressenti. J'ai peut-être un petit peu négligé le fait que ça faisait quand même un mois qu'on était là et qu'on connaissait quand même vachement, enfin peut-être plus les gens que ce qu'on aurait voulu faire croire, surtout qu'on est tous assez proches. Mm-hmm. Je suis plutôt parti du principe qu'on a été assez discret, ce qui en soi est cohérent avec ce par quoi on est passé. Et je pense chronologiquement, j'indique simplement que ceux que vous connaissez le plus, vous êtes là depuis un mois, c'est ceux qui constituent le groupe initial, que j'ai noté comme groupe initial. On apprécie le second groupe est arrivé peu de temps après vous, ouais. Et le troisième est très récent. Ok, d'accord. Oui, ok, donc oui, ça reste plutôt logique. On connaît surtout les gens qu'on n'aime pas trop. A priori. Sauf Francis qui dans mon... Jared qui dans mon cas m'a l'air quand même un peu sympathique, il a l'air d'avoir un bon fond. Je sais que les autres, moi, sont un petit peu trop autoritaires à mon goût. Mais je préfère toujours des militaires un peu coincés du cul qu'un dictateur en puissance. Enfin voilà. Eh bien, Du coup, là, en effet, bah, je pense que du coup, si jamais à un moment on va prendre l'air justement avec Cinda, peut-être qu'on peut parler justement de cette idée de scinder le groupe, enfin, cette espèce de scission qu'il y a l'air d'avoir dans le groupe entre les isolationnistes et les je l'ai noté, j'ai oublié, et les expansionnistes. Les expansionnistes, exactement. À chaque fois, je pense à simulationnistes et et enfin bref. Et narrativiste, mais du coup, ouais, du coup, je pense qu'à un moment on va aller se poser comme ça sur le bord du toit pendant. Du coup, là, on est en début d'après-midi, c'est ça? Vous êtes encore, ouais, vous êtes dans la matinée, en fin de matinée, on va dire. Et très bien. Vous avez fait votre cosy. Ouais, peut-être que un verre d'eau à la main, un verre. On boit quoi l'eau? Est-ce qu'on la filtre ou on boit directement l'eau de pluie? Ou on a encore assez de bouteilles à disposition, peut-être? Vous avez encore assez de bouteilles, mais certains ont commencé à essayer de réfléchir à comment avoir de l'eau pure avec la pluie, ainsi de suite. Très bien, bah mettons, écoute, un petit verre d'eau à la main, un verre rationné. J'imagine qu'on peut pas descendre les bouteilles les unes après les autres. Ouais. Assis sur le rebord, les pieds dans le vide, en train de discuter justement de ce qu'il faudrait faire. De mon côté, mon argumentaire, et c'est là-dessus que je pense que je vais commencer la discussion, si Cinda est d'accord. C'est simple, à mon avis, il faut qu'il y ait au moins la majorité du groupe qui parte si jamais on veut les suivre. Je préfère rester avec une majorité peu agréable plutôt qu'une minorité avec qui on s'entend bien mais qui s'en va droit vers une mort certaine. Je suis d'accord qu'il faut un... Ouais, il faut s'assurer qu'il y a de quoi faire tourner quand même un groupe. Je trouve que l'idée de partir n'est pas ce qui me plaît le plus. On a quand même... on sait ce que ça fait que traverser, on sait que c'est aussi un rythme de vie très différent. On est quand même sur un niveau de sécurité très différent, mais... L'idée de partir totalement, ça me refroidit un peu dans le sens où... malheureusement, si on part, en fait, on part beaucoup des conforts qu'on a ici. C'est pas incroyable, mais c'est déjà beaucoup. Après, c'est vrai que, en fait, le plus gros problème qu'on a, c'est que ici, c'est vivable si jamais ils commencent à accepter le fait qu'on puisse sortir et qu'on puisse faire ce qu'on veut, aller faire chercher des ressources, faire des expéditions. C'est sûr que, par contre, si la mentalité qui reste, c'est le fait qu'on soit isolationniste et qu'on n'a pas le droit de sortir, on va vraiment. Situation actuelle. Effectivement, si. S'il faut partir pour pouvoir permettre... Après tout, on n'est pas à ça près, hein. Ça serait pas le premier voyage qu'on entreprend. Dans ce cas-là, j'imagine qu'il faudrait partir suffisamment proche pour pas, justement, comme tu dis, aller à une mort certaine, mais en même temps suffisamment loin pour pas que le premier groupe vienne nous emmerder. D'accord qu'il faut partir avec pas mal de gens. Enfin... Québec, tout à l'heure, j'avoue que j'y suis jamais allé. C'est pas des endroits où il fait extrêmement froid l'hiver. Si. Et l'été il fait extrêmement chaud d'ailleurs, comme tout pays. J'étais pas très très loin de la frontière du Canada. Loin, mais de rien, ici le temps est généralement assez favorable, j'imagine, à la survie. Je pense que c'est un truc auquel il faut penser parce que sans radiateur et sans chauffage. On est quand même dans des coins chauds de souvenirs. Actuellement, oui, mais si jamais on va monter jusqu'au Québec. On peut bouger effectivement, aller dans des endroits plus neutres, je pense, en termes de temps. Je pense mais que c'est je suis bien avec toi, faut qu'on on essaie de recruter des gens pour avoir un groupe solide en fait. Parce que le problème c'est que si on part à 5, on a quasiment aucune chance, je pense. Enfin, sur le long terme, sur le court terme évidemment, mais sur le long terme ça risque d'être compliqué. Oui. On va voir. Je voir comment la situation évolue. Ouais, du coup, moi peu de temps après. Je finis aussi par monter sur le toit. Kali, elle est partie se reposer un petit peu. Elle reste à faire ses petits dessins et puis à se mettre à bouquiner quelques livres. Justement, le livre que lui a donné O'Brien. Et du coup, j'en profite pour monter sur le toit et rejoindre ceux qui y sont, et notamment vous deux. Et bon, j'ai eu le temps entre temps de un peu entendre ce dont vous étiez en train de parler. d'une oreille vite fait. Et du coup, je me permets d'approcher. Comment va Ed? Ça va, ça va. Je me suis permis un peu écouter ce dont vous parliez. J'avoue que moi aussi, je commence un peu à me poser les questions sur la suite des événements. J'ai bien conscience que ici, on a un confort qui est certes sommaire, mais on a la sécurité. Petit à petit, les ressources vont finir par manquer et inévitablement, on sera amené à peut-être partir d'ici. Je sais pas si plutôt dans une politique d'expansion que dans une politique de fuite, un endroit qui pourrait être intéressant de rejoindre, j'y pense, c'est le lac Okeechobee, qui doit être un peu plus au nord-ouest de notre position actuelle. Il est quand même relativement grand et on pourrait y trouver de l'eau qu'on pourrait tenter de filtrer. J'espère qu'il n'y aura pas trop déjà de communautés qui se trouveront autour, mais au pire, on peut toujours se rabattre sur une petite rivière ou un lac un peu plus petit. Dans tous les cas, on risque de complètement mourir de soif si jamais on se contente de l'océan tout autour de Miami. Bah, disons que pour avoir un peu réfléchi à ça, même si c'est pas forcément mon domaine, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à sortir de la ville, parce que si on veut pouvoir être dans l'autosuffisance, pouvoir produire notre nourriture, peut-être même chasser, si on a des gens qui peuvent le faire, bah forcément il va falloir se retrouver un peu en nature. C'est pas ici en plein milieu de Miami que on va pouvoir faire ça. Et quelque part je suppose qu'on est en vrai, le problème c'est qu'on peut pas sortir on n'est pas censé sortir, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'il y a réellement autour, mais il y a sûrement avec le groupe actuel, ce sera forcément pas faisable, oui. Et le problème des villes, c'est que oui, c'est que c'est un amas de gens, donc un amas de gens, c'est un amas à la fois de rôdeurs et à la fois de peut-être de pillards, de choses comme ça. C'est là-dessus, je suis d'accord que s'exclure un peu, c'est pas de dire, mais il faudrait juste peut-être envisager la question d'éviter de vraiment partir juste en voyage. Enfin, je pense que si on part, ce qui est pas forcément la meilleure solution, j'insiste là-dessus. Il faut qu'on sache où on aille directement et que ce soit envisageable comme trajet. On peut toujours s'arrêter une semaine à un endroit et puis repartir après. Si on trouve plusieurs véhicules utilisables, on en a quelques-uns sur le parking. On pourrait tenter de siphonner les moins intéressants et de remplir ceux qui nous plaisent le plus, dans lesquels on pourrait charger le plus de personnes. Le problème, c'est qu'on est quand même 18. 18 à 4-5 par voiture, ça fait tout de suite... De toute façon, les 18 ne viendront pas parce que les isolationnistes, je suppose, qui vont être réfractaires à l'idée. Quoique ça serait bien, en vrai, qu'on puisse prendre tout le monde et juste s'installer dans un endroit plus stable. Ça serait bien. Je pense qu'il risque d'être malade. Plus 13. Après... Peut-être même plus. Ça peut aussi contenter les isolationnistes. Si on leur propose de se retrouver dans un coin... En marge de. Parce qu'ils sont pas d'accord pour juste qu'on fasse 5 km de plus pour chercher une autre pharmacie. C'est ça le problème à l'heure actuelle. C'est-à-dire que cette question-là est. C'est-à-dire qu'ils sont plus que. Enfin, du moins pour les plus autoritaires. C'est plus que. Enfin, c'est juste qu'on n'est pas censé sortir du tout, quoi. C'est-à-dire que. Et le problème, c'est que sortir, c'est quand même nécessaire si effectivement, plus tard, on veut ramener de quoi manger, de quoi. Enfin, c'est. Je pense que vivre juste de voyage est très difficile, mais bouger, c'est quelque chose qui est vital. Hein. En vrai, il faut, ça serait bien d'en parler honnêtement à tout le monde, de poser ça à plat. Je ne sais pas si prévoit faire bientôt une réunion d'urgence, mais on pourra en envoyer une. Et déjà, on pourrait réunir le groupe de ceux qui sont dans le projet, donc on pourrait aller voir Alexios et les autres sur sa liste, je ne les connais pas tous, et on pourrait déjà en parler à eux, voir ce qu'on en fait, et après faire une réunion d'urgence et en parler du coup aux groupes plus réfractaires qui sont les utilisationnistes et voir s'ils seraient d'accord pour juste bouger à un endroit plus stable en fait. De toute façon, on va pas y échapper. À un moment donné, on sera confronté à devoir prendre une décision, quelle qu'elle soit. Parce c'est pas une décision qui me fait peur, c'est juste, j'ai l'impression que certains sont un peu extrêmes dans leur vision de la chose et ça serait très dommage de courir à notre mort juste parce que il y a des envies de liberté qui sont un peu trop grandes. Mm-hmm. Après, si on arrive à convaincre je les gens qu'on c'est en dans parle déjà au groupe, enfin qu'on aille en parler au groupe qui est au cœur de ce sujet-là. Et avec eux, qu'on voit ce qu'on fait par rapport à ceux qui ne sont pas dans le plan du tout. Je pense que c'est bien de procéder comme ça. Puis comme ça, ça permet au principal intéressé de répondre, parce que Alexios a très envie de voyager. Malheureusement, il n'est pas là pour défendre son point de vue. Et ça serait bien de pouvoir entendre ce qu'il a à dire et s'il serait d'accord dans l'idée. Ouais. Je suis d'accord. Sûrement. On redescend. Ok, très bien. Donc une fois cette discussion passée, le temps passe lui aussi, et vous avez le temps de faire votre repas du jour, avec donc tout le monde qui a été rassemblé, bien entendu. La plupart du temps, les gens ont tendance à se, donc comme vous l'avez fait, à se grouper en petites communautés. Et donc le groupe qui s'est formé autour des militaires est souvent avec les militaires, le groupe qui s'est formé autour des deux frères Place est souvent avec les Place, et ainsi de suite. Mais ici, pour ce qui est du repas, tout le monde fait un peu un effort pour manger avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs l'occasion que prend Richard Langstrom, donc le chef des militaires, pour ramener le sujet de la réunion d'hier soir. En effet, il l'apporte ainsi, en disant « On a toujours un problème à régler. Hier soir, je sais que certains esprits se sont échauffés. Je sais que j'y ai participé aussi, je l'avoue, ça m'arrive. Mais... on va commencer à avoir des problèmes au niveau des médicaments. Et certains d'entre vous sont peut-être pas au courant, mais sans médicaments, il se peut que les plus fragiles d'entre nous, avec une simple coupure, finissent mal. Alors, il va falloir décider de ce qu'on fait. Je suis toujours sur ma position selon laquelle Alexios devrait être le seul à faire ses voyages. Vous voyez que déjà, dès qu'il en parle, il y a déjà certaines personnes qui murmurent un peu plus fort que ce qu'il le faisait. Et il lève déjà la main et fait « Mais attendez !» Je pense que maintenant que la nuit est passée, certains ont pu s'assagir, certains ont pu voir les bons points, dans mon avis. Donc je propose qu'on en rediscute au moins légèrement dès maintenant. Des gens ont quelque chose à dire à ce sujet. C'était qui les leaders du coup de l'expansionnisme? C'était les frères, c'est ça, si j'ai bien compris? Archibald Place et Melrose, non? Alors les expansionnistes, en effet, les deux frères Place sont de toute manière assez souvent toujours en opposition avec les militaires du premier groupe. Si ce n'est par tradition, tout simplement, parce que de toute manière, ils ont bien envie de dégager de manière générale. Oui, ça, c'est ça. Voilà. Quasiment tout le groupe, donc des fouilles, tout le groupe des frères Price sont expansionnistes. Mm-hmm. Bob Patrickac, donc le plus vieux du groupe, lui, est assez isolationniste, même si il n'est pas très vocal à ce propos. Ça peut se comprendre. Cillian Fenici, qui est souvent avec lui, le suit, tout simplement. Peter Horvath, donc le bouger, que certains d'entre vous ne prennent pas très en confiance, a priori, je ne sais pas trop pourquoi. lui est très très vocal sur l'expansionnisme, en effet, sur le fait de bouger un peu, de bouger partout à travers la ville. Et c'est un secret pour personne, c'est pour une bonne raison, c'est parce que il a perdu de vue sa fille avec toute cette apocalypse, qui est toujours à Miami, et du coup, bah, dès qu'il peut, il pousse pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui bougent à travers toute la ville pour avoir le plus de chances possible de la récupérer et de la ramener. Lui, c'est sa raison principale. Bien entendu, il appuie tous les arguments à propos de la nourriture, des médicaments et tout ça, mais personne ne se fait de... Oui, c'est d'illusion. C'est sa raison principale. Voilà. Mais les illusionnistes les plus vocaux sont Richard, Jared Francis et Jade Munoz, donc, qui est donc la chanteuse de rock auquel certains d'entre vous ont fait référence. Parce qu'elle non plus, elle n'est pas très... Elle n'est pas trop de l'idée de se jeter dans la gueule du loup. Pas très rock. C'est eux le noyau dur des isolationnistes. Ok. Moi, j'aimerais prendre la parole. Voilà. Tu vois que Richard lève la main dans ton sens pour t'inviter donc à confirmer ton droit de parole, comme s'il avait confirmé. Mais en tout cas, il s'y croit. Moi, ce que je vais dire, c'est je vais répéter exactement la chose que j'ai dit hier. Je pense qu'on doit quitter cette ville. Et plus globalement, et même plus largement, on doit quitter les villes. Parce que, certes, moi, j'en ai parlé déjà avec d'autres ce matin. Certes, les villes, d'accord, il y a une grande concentration de ressources, il y a une grande concentration de tout, mais on l'a vu. Les gens sont fous, les gens ont tout pillé, les gens sont... Les magasins sont vides. Tout. Les gens se sont emparés de l'hystérie. À la campagne, les gens qui tiennent les magasins auront eu beaucoup plus de chance de soit d'être barricadés à l'intérieur, soit d'avoir, comment dire, conservé un soupçon de civilisation et de pas avoir cédé à cette folie qu'entraîne la surpopulation de ces endroits. Attendez. Je ne peux pas vous laisser dire des conneries pareilles, hein, excusez-moi. Mais... Vous nous parlez de civilisation disparue. Je vous rappelle qu'on n'a aucune preuve que le gouvernement des États-Unis n'est pas toujours à Washington ou à New York, quoi que ce soit, et qu'il n'a pas toujours des territoires parfaitement établis. J'indique que c'est toujours Richard qui parle, le militaire. C'est la raison principale pour laquelle il ne faut absolument pas qu'on bouge, parce que c'est les villes qui vont libérer en premier, et pas la campagne avec trois bouseux. J'aimerais intervenir. Oui. Je tiens à dire que je suis désolé, mais je rejoins plutôt mon collègue Dwayne. Même si je le rejoins pas sur tous ces points, il soulève quand même une question qui est très intéressante, c'est que malheureusement, j'ai eu quelques vents de l'activité de pillard, et il faut admettre que c'est en ville que, ouais, vraiment la plus active. Je comprends l'idée de vouloir rester pour soi-disant le gouvernement, ça fait quand même 2 mois qu'on n'a aucune nouvelle. Je pense qu'on peut partir sur le fait que si l'armée intervient, si le gouvernement intervient, on le saura, même si on s'est éloigné un peu de la ville. Et je suis d'accord que ça serait très intéressant d'envisager une solution où on irait juste s'installer dans un endroit plus calme, stratégiquement intéressant, comme par exemple aux abords d'un lac. C'est pour pouvoir en fait installer des activités qui vont nous permettre juste de survivre, en fait, de pouvoir chasser, de pouvoir juste vivre. J'ai toujours tenu un discours qui est fait pour qu'on puisse bouger librement. Je comprends vos idées derrière. Hein. J'ai pas envie non plus que ça parte dans un débat un peu inutile comme nous l'avons fait malheureusement à cause de la fatigue la dernière fois. Mais non, je comprends son choix, même si je le trouve un peu extrême dans sa façon de l'exprimer. Je tiens à dire que il a raison. C'est en ville qu'on risque de tomber sur des pillards. C'est en ville qu'on risque d'être le plus en danger, qu'on risque de manquer de ressources. Que la ville, c'est là où les gens vont aller. La ville, c'est là où les gens vont tout vider petit à petit. Et d'ici, on tient un mois, deux mois, et après, il va se passer quoi? Il n'y aura plus aucune ressource dans la ville. Et comment on va vivre? Sachant que s'il n'y a que Alexios qui fait les déplacements, on risque aussi de rapidement... il ne peut pas porter 25 kilos sur lui à chaque aller-retour. Ça reste un simple homme. J'inquiète. Il est très, très musculeux. Je suis d'accord aussi. Je ne crois rien à personne. Je bouge la tête. Non-verbal retranscrit une espèce de... Mais je pense support. Que... moi, ce que je rajoute juste, en fait, au discours de Dwayne, c'est que, oui, on peut bouger vers autre chose que la ville sans pour autant s'éloigner à des centaines de kilomètres. Y a des coins non loin, il y a des marécages au nord, il y a un lac un peu plus loin. On peut rester proche de la ville pour chercher des informations, pour voir s'il se passe des choses, si l'armée intervient, ce gouvernement. On va pas se couper non plus, en fait, de toute information, mais juste, on va pouvoir vivre plus longtemps. Pourquoi pas un petit village? Tout à fait. On pourrait facilement avoir accès à d'autres, à des tas et des tas d'autres villages et petites villes aux alentours, y récupérer ce dont on a besoin en termes de médicaments, d'armes pour nous défendre. En effet, les marécages, même si ce ne sont pas forcément les zones les plus accueillantes, et on y trouve également une énorme biodiversité en tout ce qui est en termes animal ou autre pour aller chasser, c'est le rêve, surtout j'imagine que plus le temps va passer, plus les animaux vont commencer à sortir des marécages. Et enfin, je pense que c'est là où on trouvera sans doute aussi le moins d'arpenteurs, qui mine de rien vont sans doute s'accumuler de plus en plus au niveau des villes. Je suis d'accord. Et la situation lorsque les arpenteurs vont commencer à avoir faim et à se regrouper, on risque peut-être de se retrouver complètement bloqué à l'intérieur de la ville. Pour moi, il faudrait la quitter le plus vite possible. À ce moment-là, je laisse la parole. Moi, je veux reprendre la parole parce qu'on m'a coupé. Et que je veux dire un truc, c'est que Richard, franchement, personne t'a aidé ici. Et je sais pas d'où tu tiens ta légitimité, mais tu prends la parole si je veux. Et tu n'as pas à me couper parce que. Hein, et voilà, moi, je voudrais pointer un truc dans ce groupe. C'est qu'il n'y a aucune unité, il n'y a aucune cohésion. Et moi, je pense que tout le monde aurait formé des petits groupes et se barrer dans son coin pour vivre à la campagne tranquille, chacun dans son coin, pour que personne ne se marche sur les pieds. On ne veut pas consommer trop de ressources. Et voilà, parce que franchement, Richard, tu ne coupes plus ma parole. Ouais, tu vois que c'est les deux plays qui font... Je suis d'accord sur le point, il faudrait qu'on parte tous dans notre coin. Ça n'a aucun sens de s'empiler comme ça dans une supérette. Vous avez vu, on n'est même pas capable de dormir sans rouler les uns sur les autres. Ouais. Alexios, si tu veux dire quelque chose, tu as ton espace libre. Ouais, du coup, je voulais reprendre quelque chose. Je suis d'accord avec Tinda. Je trouve que c'est un peu extrême, quand même, ce que dit Simpson. Mais par contre, je tiens à expliquer une chose. Les marécages, c'est rempli de crocodiles et de choses qui nous boufferaient plus que les rôdeurs ou les arpenteurs, comme vous dites. Moi, de toute manière, j'ai fait un voyage. Désolé, Richard, j'ai vu que tu voulais... Et de maladies, rajoute Jade. Il n'y a pas beaucoup de maladies là-bas. Mais bon, ça... ouais. Oh! Un piton, ça fait un... Je suis quand même le seul à sortir d'ici. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dehors, dans la ville. Oui, je vois qu'il y a d'autres groupes qui se forment, mais qui sont armés, des milices aussi, qui se arment, qui tuent d'autres groupes. Comme ce que vous dites, les rôdeurs, ou moi je les appelle les bouffeurs... moi j'arrête pas de faire de toi en toi, et moi pour moi ça devient de plus en plus compliqué de ramener de la bouffe ou des choses, parce que moi je dois passer par les toits, pas par la rue, donc c'est un peu plus dangereux. Mais je tiens à dire quand même qu'il faut qu'on se barre d'ici quand même, parce que c'est chaud, et le problème c'est qu'un véhicule militaire comme ce que vous avez, vous, monsieur Landstorm, c'est un peu ça, tout le monde en veut. Parce qu'il y a des radios, des trucs comme ça, et vous pouvez vite parler avec d'autres personnes de l'autre côté de l'État. Donc, ce qui serait sympa, c'est qu'on se barre assez rapidement d'ici. Pas dans les marécages, peut-être dans un lac, comme les filles viennent de dire. Mais rester ici, c'est une connerie. Les mecs sont bien plus armés que vous et ont l'air bien plus entraînés que vous, les militaires. Hein, et en plus, je pense que vous devez faire partie de la garde nationale, pas des autres... Je te fais couper la parole. Ouais. Je te fais couper la parole par Jade, encore une fois, celle qui a parlé des maladies, qui dit... Je suis pas d'accord du tout. Si on s'éloigne de la ville et qu'on essaye... Avec quoi on va se nourrir en dehors de la ville? Je suis désolé, mais j'ai pas envie de mourir de faim pendant les mois en attendant que l'un d'entre vous apprenne à faire pousser des patates. On va bouffer du gibier. Il y a du gibier dehors. À l'extérieur, il y a des bêtes, des trucs comme ça, on peut en manger. Qui est chasseur ici? On peut vite apprendre avec les livres. Tout à fait. Oui, et ben apprenez à viser avec votre livre. Jade, si je peux me permettre, on doit survivre. On n'est pas, on va devoir forcément apprendre à faire des choses qu'on n'avait jamais eu, qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire avant. C'est le propre de la survie. Je pense que vous avez fait en 2 mois des choses que jamais dans votre vie vous auriez pu penser faire avant. C'est le propre de l'homme d'évoluer, de survivre et d'apprendre. On l'a appris en des milliers d'années et on saura encore le faire. Je pense que c'est pas. Il y aura des échecs, mais au moins on arrivera à vivre en autonomie et pouvoir peut-être aussi accueillir d'autres personnes. C'est facile à dire, des échecs pour vous. Vous avez vu votre stature. Qu'est-ce que vous pensez que le vieux, là, il va pas clamser à la première erreur? Écoutez, je pense que les échecs sont pas uniquement au niveau de la force physique. Moi, je sais faire plein de choses de ma force, mais il y a des choses que je ne sais pas faire. Soigner, je ne sais pas faire. Si demain je suis malade, je ne serai en aucun cas prêt à me soigner. Vous savez faire. Donc c'est aussi à nous de nous entraider et d'apporter chacun nos connaissances pour essayer de devenir plus fort. Mais qu'en est-il des champs autour de la ville? Ils n'ont pas été pillés, eux, encore. Les magasins, tout ça, ça a été vidé. Mais en attendant d'apprendre à chasser, on pourrait toujours s'en prendre aux récoltes des derniers agriculteurs qui n'auront pas survécu à l'apocalypse. On est à quel mois? Ça c'est en RP. Là je tiens à préciser, vu que je vis à la campagne, le truc c'est que c'est bien gentil de vouloir récupérer les champs, mais quand tu laisses deux mois tes champs en jachère sans rien toucher, en général ça fait pas long feu. Il y aura toujours... Après, sûr, il y a moyen de récupérer des semences et tout, j'imagine, hein, mais entre tous les animaux sauvages qui peuvent se nourrir à foison sans qu'il y ait rien qui se passe ou quoi. En 2 mois, là. De toute façon, sur le long terme, on sera bien obligé d'en arriver là. Je veux dire, il n'y a plus de piscine. Il n'y a plus rien qui produit. À un moment donné, quand on aura tout bouffé, vous voulez manger quoi? On ne va pas manger du carton. On sera bien obligé, à un moment donné, de faire notre propre bouffe. Vous voulez quoi? Ah oui, je suis d'accord, mais de là, aller récolter du maïs pourri. Qu'est-ce qu'on va foutre avec... Encore du maïs, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on va foutre avec des champs de blé, quoi? Quelqu'un sait faire de la farine, ici? Attends, On casse du blé. On peut casser du blé. C'est comme je vous ai dit, à la bibliothèque, il y a pas mal de livres. On peut les récupérer en passant pour partir de Miami. Et on apprendra. De toute manière, il faut bien apprendre un jour ou l'autre. C'est comme ça que les premières civilisations ont fait. Et je pense que... pousse vers le haut de la part du professeur d'ethnologie, Monsieur Sparrow. Quand ça parle de civilisation, il lève le pouce. Je suis désolé, mais nous, quand j'étais à Harvard, là-bas, on nous a appris, même au niveau de l'escalade, on nous a appris à faire pas mal de cordages, des trucs comme ça, donc je peux vous apprendre des choses, des systèmes de poulies, des trucs comme ça, pour pouvoir faire des meilleures constructions, des trucs comme ça, mais... Le problème, c'est que si vous restez cloîtré tous ici à dire qu'il y a plein de maladies au dehors, je suis désolé, mais les bouffeurs dehors et les milices, moi c'est plus les milices qui me font peur que les bouffeurs. On aura plus de chance. J'en ai à peine. J'en ai abattu deux et ils bougent très lentement, donc j'ai eu le temps de passer à travers tout le groupe de rôdeurs, mais bon. Le problème, c'est, comme je vous ai dit, c'est les milices. Et les trois personnes là de la garde nationale, ils vont rien faire contre des milices armées. Richard renchère d'ailleurs, renchérit justement sur ça. Il dit oui, justement, les milices, parlons-en. Vous présentez ça comme un argument, comme quoi il faudrait qu'on bouge, mais justement, c'est un argument comme quoi on devrait pas bouger. On est trois à être véritablement armés ici, à avoir deux. Quatre. Cinq, mais le cinquième est parti. Et là. Voilà. Ouais. Voilà. On est trois à être véritablement armés. Certains d'entre vous ont quelques armes à feu, c'est possible, mais rien qui permette de faire un combat. Et vous voulez quitter notre seul endroit sûr, notre seule forteresse, pour partir à pied ou en véhicule, traverser les rues de Miami, pour tomber dans le premier guet-apens qui a été placé. Désolé, ils font plus de guet-apens, les milices, ils font du porte-à-porte et ils cherchent des nouvelles personnes à rejoindre. Beaucoup de monde qui répond, dis donc, au porte-à-porte. Bah, je suis désolé, mais la dernière fois, j'ai vu un groupe se faire massacrer, ils sont rentrés dans leur petit campement et tout, ils étaient bien armés, eux aussi, ils se sont fait massacrer, ils ont récupéré les armes et la bouffe, ils sont partis. Ils ont aussi des véhicules. Donc, de toute manière, ils viendront bien ici parce qu'ils vont se dire qu'il y a de la bouffe et ils feront ce qu'ils auront à faire. Surtout qu'un marché, finalement, enfin, un market, c'est un endroit plutôt évident hein, quand tu cherches des ressources. Est-ce que c'est vraiment une forteresse imprenable? Je suis pas si sûr. C'est sécurisé, je dis pas le contraire, mais imprenable. C'est toujours une meilleure forteresse que le vieux pick-up de ce gars-là. Mais on n'a jamais dit que ça serait dans un pick-up. Pick-up, il est très très bon état déjà. Et déjà. Moi, déjà. Et puis en plus, franchement, oui, ta pauvre vitre en plexiglas face à une AK-47 que tu veux, franchement, ça va pas faire grand feu. Hein. Non, mais après, au-delà de ça. La proposition, c'est trouver un endroit stable et sécurisé. C'est trouver un endroit et se refaire une construction juste. Éviter d'être là où il y a toute l'activité humaine, l'activité des non humaines, j'ai envie de dire. Enfin, le but, c'est juste en fait de trouver un endroit qui permette en fait qu'on puisse continuer à vivre. Hein. C'est bien beau de parler de oui les milices, etc. Mais être tué dans une milice d'ici 2 mois en tentant de survivre plus longtemps ou mourir de faim ici dans 1 mois, est-ce qu'on est vraiment dans un choix cornélien. C'est vrai, comme le dit Cinda, c'est bien beau, les milices, mais une fois qu'on n'aura plus rien à bouffer, qu'on aura fait tous les quartiers et qu'on sera bien obligé d'aller chercher beaucoup plus loin, bah, à un moment donné, notre position, elle sera peut-être devenue impossible à tenir parce qu'il faudra couvrir des distances encore plus grandes pour chercher des rations ou de la nourriture qui est probablement inexistante parce que d'autres groupes comme nous ont fait la même chose. Alors qu'envisager peut-être de trouver un autre endroit à l'écart de la ville où on peut cultiver, fortifier et voir loin, puisque si on était hors de la ville, on pourrait très vite voir des déplacements de personnes de loin, alors que ici, au détour d'une rue, on pourrait ne pas voir des gens approcher, fureter d'une rue à l'autre, d'un bâtiment, d'un mur, et à côté de ça, ne pas survivre parce qu'on n'aurait plus rien à bouffer. Et la question se posera tôt ou tard, que vous essayez de nous retenir là ou non. Le jour où on n'aura plus rien à manger et qu'il faudra rationner tout le monde, les tensions arriveront tôt ou tard. Alors, on peut tout à fait anticiper ça et le faire maintenant, alors qu'on a encore la possibilité de le faire. Enfin, c'est mon avis, même si je ne suis pas en charge de le faire. Les pro-campagnes, c'est-à-dire, il me semble, tous les personnages joueurs, les pro-campagnes vont donc me faire un jet de pouvoir. Pour voir comment a été reçu leurs différents points par la communauté en général. Donc, vous remarquez, maintenant que la discussion se tasse un peu, enfin en tout cas que les arguments ont fini d'être relancés, que les isolationnistes n'ont pas l'air d'avoir trop bougé sur leur position. En effet, ils sont toujours absolument convaincus qu'il faut rester sur place et tout ça. Pour ce qui est du second groupe, celui des Place, vous remarquez que ils ont l'air en effet de pencher en grande partie vers un déménagement à la campagne. Comme vous, ils ont l'air d'avoir été assez convaincus par vous. Même chose pour Cillian et Bob Patrickac, qui ont l'air de vouloir déménager eux aussi. pour ce qui est du Adam, lui, il est aussi d'accord avec vous, a priori. Il présente quelques petits arguments pour dire que oui, si on veut relancer quelque chose, c'est pas sur les cendres de l'ancien monde, donc il faut repartir à zéro. Il faut réapprendre à se débrouiller par nous-mêmes. Cependant, Peter Horvath, le boucher, lui, par intérêt que vous connaissez parfaitement, refuse catégoriquement de bouger, et du coup, malgré le fait qu'il soit très très expansionniste, lui rejoint sur ce coup-là les isolationnistes sur le fait de rester sur place. Ça vous donne une certaine majorité, tout de même. Vous avez une certaine majorité sur le reste du groupe, et vous remarquez que les isolationnistes, du coup, n'ont plus grand-chose à présenter comme argument. Si ce n'est Jade qui marmonne, pas vraiment marmonner parce qu'elle espère bien que tout le monde l'entend, même si elle ne le présente pas comme un argument officiel. Les messes basses. Elle dit simplement les milices, il n'y en a qu'un seul qui nous dit qu'il y a des milices. Si ça se trouve, elles n'existent pas. Et par hasard, c'est celui qui veut dégager. Ouais, mauvaise foi. On a quand même parlé de pillard, on va pas nous dire que ça n'existe pas. C'est pas grave. En tout cas, vous n'avez pas non plus gagné à 100%, même ceux qui se sont rangés de votre côté, parce que vous avez remarqué au moment où Richard parlait de l'État, du gouvernement des États-Unis, que certains, et est-ce qu'on peut vraiment les blâmer, espèrent bien qu'en effet l'ordre n'a pas entièrement disparu, qu'il a seulement reculé et qu'il est sûrement quelque part en train de mener la bonne guerre pour amener la civilisation. Et donc cet argument a quand même fait que certains ne veulent pas non plus aller au lac dont j'ai oublié le nom et voudraient juste peut-être aller dans la banlieue peut-être de Miami. Mais... De toute façon, on sait très bien que on ne pourra pas faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Je comprends que certains aient des intérêts différents des nôtres. Et du coup, je regarde dans la direction de Peter. Je peux le comprendre. Et je regarde un petit peu par la même occasion Kali. Mais si on veut survivre, je pense que malheureusement, on n'a pas le choix. Ok. La discussion, tout de même, est relancée par Adam qui a eu une main sur sa tempe et qui dit quand même d'un air assez gêné, parce qu'il est quand même dans votre, a priori un peu dans votre ligne, mais qui dit je m'excuse parce que a priori on a trouvé une solution, la démocratie a parlé, mais on parle ici de plans à long terme, mais est-ce que ça règle vraiment notre problème de imminent de médicaments? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parte directement à la campagne sans médicaments? On risque de trouver des pharmacies de toute manière sur la route, donc je sais qu'il y en a d'autres de l'autre côté, de notre côté il y en a une où c'est vide, mais il doit y en avoir une autre sur la route. De toute manière on va vite trouver des médicaments, et comme ce que je vous ai dit, les livres y a des livres de médecine, et comme il y a un médecin, elle peut nous dire quelles plantes il faut pour créer nos propres médicaments. Ouais, mais comme dans les anciennes civilisations. Ah, mais deux trucs, moi je dis. Déjà, les plantes, pour les avoir, faut être à la campagne. Hein, parce que bon, c'est pas les petites jardinières du centre-ville qui vont nous. Hein. Et puis surtout, les pharmacies qui sont pleines encore, elles sont à la campagne. Bon, combien de fois leur répéter ? Parce que les gens, ils sont malins. Les armes, ça se fabrique. La bouffe, ça se chasse, ça se plante, ça se stocke. Voilà. L'eau, pareil, il y a la pluie, tout ça. Les médicaments, c'est la seule chose qu'on peut pas fabriquer. Alors les gens se sont jetés dessus. Et comme c'est fin, alors qu'à la campagne, il y a beaucoup plus de chances qu'un propriétaire qui se dise, comme nous, qui va se barricader, et encore un stock intact, ce genre de choses. Alors moi, je dis, si jamais on va directement... Enfin, bien sûr, peut-être que là, je sais pas s'il y a des besoins urgents, mais si jamais ils peuvent attendre, on va à la campagne, Ah, je vois qu'il y en a qui parlent de lac, pourquoi pas, moi, de toute façon, je pense aller encore plus au nord, peut-être pas quitter l'État non plus, mais voilà. Et on trouvera des pharmacies qui seront pas cambriolées, complètement désordonnées, avec plus rien à l'intérieur, mais qu'on a moyen de trouver des choses, quoi. Même dans des maisons, en vrai. Oui. Des hôpitaux, même, tout ce que tu veux, j'en sais rien, mais... enfin, peut-être pas des hôpitaux, non, ça me ferait un peu peur, j'ai pas trop envie d'aller là-dedans, mais... Tu vas te fouiller, ouais. Mais peut-être pas entièrement, ils sont peut-être envahis de... Il va y avoir tellement de malades là-bas, de gens alités qui pouvaient pas s'enfuir, qui doivent être remplis de rôdeurs et d'arpenteurs absolument partout. Ouais, non. Fausse bonne idée. Mais il y a sans doute des trucs encore à y trouver. Vous voyez que Richard, du coup, qui avait un peu quitté la discussion vu que tout le monde parlait, finit par relever la tête de nouveau et dit « Et donc, pour les médicaments, vous voulez qu'on en fasse là-bas ?» On peut fouiller sur le trajet de base. L'idée, c'est d'apprendre à les faire. Oh, on va pas se paraphraser pendant 4 ans. L'idée, c'est qu'on apprenne à les faire, mais qu'avant ça, qu'on puisse en trouver dans des endroits qu'on n'a pas déjà fouillés, en allant plus loin que la même pharmacie. Hein. Peut-être que le problème de rester dans un endroit clos, c'est là où il y a les maladies qui se forment. Si je ne m'abuse, bien sûr, Madame Driver, pardon. Donc... Oui. Et puis on peut pas se permettre de ne dépendre que d'Alexios. À un moment donné, la communauté commence à grandir. Si on n'a que Alexios pour nous fournir en ration, on tiendra pas. Et imaginez, il arrive quoi que ce soit à Alexios, on fait comment ? Si personne ne sait se débrouiller, il faut qu'Alexios aussi nous transmette. Ces techniques, on apprend tous à un moment donné à pouvoir. Une véritable autonomie, ouais. Il faut qu'on arrive à survivre et qu'on soit tous polyvalents, sinon on n'y arrivera pas. On ne peut pas se permettre de dépendre de certaines personnes. Il faut qu'on soit tous capables d'apporter quelque chose et de transmettre. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Ed, parce que imaginons que je me casse quelque chose et que je suis sur un toit et que personne ne sait que je suis blessé, comment vous allez faire pour survivre ? Déjà, personne n'osera sortir pour venir me récupérer. Donc le problème, c'est ça, c'est que il faudrait que vous appreniez, et on ne peut pas apprendre sur du béton. Et c'est mieux qu'on aille à la campagne, comme ça je vous apprends à poser des pièges pour du lapin, des trucs comme ça. Et à bien repérer les endroits stratégiques. La campagne n'est pas la campagne profonde. Le but, c'est qu'on n'aille pas non plus trop loin pour toujours pouvoir vérifier de temps en temps ce qui se passe en ville, si à l'intervention de l'État, si à l'intervention de l'armée. Le but, c'est pas de se couper de tout non plus, c'est juste de pouvoir choisir quand on y va pour justement éviter les plus gros désagréments de l'île. Il y a un village où se poser, on aura toujours un œil sur la ville, on pourra toujours y faire des expéditions. Vous voyez que Richard ne répond pas immédiatement parce que il y a Jared Ross, donc son compagnon le plus bienveillant, qui est à côté de lui, qui a priori lui dit quelque chose à l'oreille. Il a l'air de discuter un peu. et Richard souffle un peu dans sa barbe. De toute évidence, assez contrarié. Et il conclut, enfin il conclut, il vous répond simplement, bon, écoutez, je vois bien que la démocratie a parlé et qu'elle est écrasante. Même ouais. Si je pense qu'on devrait faire confiance aux spécialistes et aux autorités, mais voilà ce que je vous propose. Histoire qu'on ne finisse pas dans le chaos le plus total sur une question comme celle-ci. Je pense que si on doit déménager, et que c'est la décision, je suis prêt à vous suivre. Je pense que tout le groupe est prêt à vous suivre. Mais je refuse qu'on risque notre chance à partir dès maintenant et espérer trouver des médicaments avant d'arriver dans la campagne. Je pense qu'on doit d'abord faire quelques expéditions en restant sur place pour le moment avant de déménager. Je suis d'accord, mais est-ce qu'à présent c'était vous qui nous interdisiez en fait d'aller des expéditions plus loin? Oui, et bien les choses changent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, parfait. Donc on va décider qui va faire les expéditions pour accompagner Alexios. On pointe tous la petite fille du Satan. Oui. J'imagine qu'on va se proposer en vrai, vu qu'on est un petit peu les investigateurs de ce mouvement, enfin, on fait partie du mouvement. Mais je propose même qu'on se propose en montant, vous voyez, on prend les choses en main, tu vois, pas en mode on dit il faut y aller et nous on va pas bouger, en mode on peut prouver qu'on peut le faire et qu'on va revenir en vie avec des médicaments et vous montrer qu'on sait se débrouiller. Moi je suis volontaire. Très bien. Moi je pense. Qui est volontaire pour étendre nos zones de recherche et pour sortir avec Alexios? Je lève la main. Je lève les deux mains. Je lève les trois mains. Donc, vous êtes vous cinq donc à lever la main, accompagné donc de Adam, parce qu'il est volontaire, il est toujours volontaire, ainsi que de Peter, le boucher, donc, parce que ça fait longtemps qu'il pousse de toute manière pour pouvoir bouger, enfin pour pouvoir sortir. Sont donc les gens qui se portent volontaires. Vous voyez que Jade, elle, de son côté, bon, elle a vraiment très mauvaise, elle était vraiment absolument contre, elle était même plus contre que les militaires, elle, dans cette histoire. Mmh. Et bref, les militaires... Richard se lève, bon, il vous dit, bon, écoute, si vous voulez bien, on va monter sur le toit et on va discuter d'où vous pouvez... vous pouvez bouger. Il faudrait aussi qu'on voit au niveau de l'équipement et des armes. Je sais pas ce qu'on a en stock. On va en discuter au-dessus. En effet, vous remarquez que c'est la discussion qui a été lancée et qui donc s'est quelque peu terminée fait quand même qu'il y a énormément de mess base dans la pièce, surtout du côté du groupe 2, des place. Parce que même s'ils sont pour le déménagement eux aussi, ils sont aussi pour le fait de lâcher tout le monde à la première nécessité. Donc de partir de leur côté avec leur groupe à eux. Donc c'est-à-dire les deux Place, Eric O'Malley et Misha. Eux, ils sont bien dans l'idée de partir dès que possible. Donc vous voyez qu'il y a des réorganisations de position qui sont en train de se faire. Ça fait beaucoup de bruit dans la pièce. Donc montons au-dessus pour en discuter. Ouais. On serait en vrai, on est d'accord, il veut être seul avec nous tous, ça. Oui. Oui, c'est deux qu'on on l'accompagne pas. Il va pas nous descendre. Si c'est un fusil à pompe, il peut pas tous nous descendre. Ça va. Bon, Sauf si c'est John Wick, normalement ça va. Et là, non, en fait, on est d'accord. Pas, mais le vrai nom de Richard, c'est John. En mode, il a descendu des types. C'est vrai que... Comment c'est un mec de la garde nationale. Ça fait un mois qu'on est là. Il a l'air d'être un peu extrême dans ses idées, mais c'est pas non plus Hitler. J'ai pas l'impression qu'il tue un type juste parce qu'il est pas d'accord avec lui, non. Oui, non, il n'y a jamais eu de... Depuis que vous êtes là, en tout cas, il n'y a jamais eu de cas de genre quelqu'un qui a dit le contraire et il l'a tabassé ou quoi que ce soit. Le coup de « on va en discuter dehors », ça peut être assez moins tard. Il n'a jamais menacé qui que ce soit. Il a pu s'énerver à de nombreuses reprises, ouais, même être insultant, mais jamais menacé. Du genre, toi, dès que je te chope, je te défonce. Bon, j'y vais quand même un peu, du coup, le cœur léger. J'imagine qu'on fait un peu attention parce qu'on sait jamais, puis qu'on a pu rencontrer de sacrés cocos déjà depuis le début. Mais bon. Donc vous vous retrouvez sur le toit, vous le suivez sur le toit. Vous vous installez à l'endroit. J'imagine qu'à un moment ou à un autre, une petite caisse a été posée sur le toit au cours des 2 mois qui sont passés depuis qu'ils sont là. Et Richard te propose, Alexios, de déplier ta carte sur cette caisse. Pour que les gens aient une bonne idée de ce qu'est Miami. Je peux leur expliquer là où j'ai été, dans quel secteur j'ai été, dans les secteurs où je vais pas mettre un pied parce qu'il y a trop de bouffeurs ou il y a trop de personnes qui se foutent sur la gueule pour l'instant. Mmh. Donc voilà, en effet, vous remarquez donc que Alexios connaît un peu le terrain, surtout le terrain immédiat. Parce que même dans ses expéditions, il avait quand même une limite de là où il devait s'éloigner qui était obligatoire, demandée par Richard, parce qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à Jacksonville, dans le nord de la Floride, pour aller chercher ses trucs. Vous remarquez qu'après que Alexios vous ait rapidement indiqué tel quartier, tel quartier, tel quartier, Richard enchaîne directement en sortant son petit couteau, juste pour pointer, hein, il vous menace pas, il vous le sort pas comme ça. Il sort son petit couteau et du bout de sa lame, il pointe un endroit qui est à la sortie du quartier dans lequel vous êtes, donc je rappelle la petite Havane, Little Havana. Et il vous pointe l'endroit ici et il vous dit, pour ce qu'on a besoin immédiatement, c'est-à-dire surtout des médicaments, c'est ici notre meilleure opportunité. Tu l'as déjà fait ? Non, on n'a pas déjà fait. En effet, il vous indique le Select Specialty Hospital, qui n'est pas un grand hôpital, c'est un petit hôpital qui est surtout pour le quartier de la petite Havana. C'est une clinique. Comment ? C'est plutôt une clinique qui est toute petite, quoi. Non, c'est quand même un hôpital, mais c'est pas un immense hôpital. D'accord. On n'a pas fouillé, et j'avais interdit à Alexios d'y aller jusqu'à présent, parce qu'on n'était pas sûr de si c'était parfaitement sûr. Mais c'est là où moi et Mega, et Alexios était présent à ce moment-là avec le reste du groupe initial, c'est là où nous étions stationnés au tout début, quand les premières de ces choses se sont répandues dans la ville. On devait attendre une évacuation. Malheureusement, ça s'est jamais fait et on a dû quitter les lieux parce que les lieux avaient été complètement envahis. Bien entendu, je vous envoie pas au casse-pipe. Et Alexios en sait quelque chose, il était là avec moi. Quand on a quitté les lieux, on était suivis. La grande partie de ce qui était à l'intérieur et de ce qui nous a virés nous ont suivis dans les rues. À présent, je doute pas que les pièces, qu'il y en a encore qui rôdent, mais le plus gros n'est plus à l'intérieur. Mais ça reste à vérifier quand même. Évidemment. Vous avez voulu prendre des risques, vous avez voulu sortir dans notre zone de sûreté. Évidemment, ça veut dire que vous allez tomber sur quelques-uns. Moi, ce que je fais, c'est vous aider en vous indiquant là où je suis sûr qu'il y a des médicaments. À vous de voir si vous voulez suivre ça, ou si vous voulez chercher des cliniques qui ont sûrement été vidées. Faut bien commencer par quelque chose. Je pense que Cinda a besoin de pansements, elle nous montre ses toits. Je suis un peu là et là. Point de départ. Euh, Mais moi, ce que je propose, c'est que à chaque fois que je pars, je prends une personne différente. Je vais pas prendre 4000 personnes avec moi parce que c'est très risqué. Ah, à deux, c'est déjà bien. Ça fait 3 personnes. Non, attendez. Vous avez dit que vous voulez avoir plus de personnes pour ramener un maximum de choses. Tu vas pas commencer à me dire que vous partez à deux. Si tu veux qu'on soit beaucoup plus sûr et qu'il n'y en ait pas un qui se fasse mort, tu devrais plutôt m'écouter. T'es pas sorti encore. À deux, c'est beaucoup mieux qu'à quatre. Depuis quand la sûreté, c'est votre priorité maintenant? Tu veux le faire dans tes règles ou tu veux les faire en mode on se barre tous et qui te dit qu'on va pas se barrer tous ensemble et vous laisser en plein? Parce que je doute que Ed, ici présent, prenne Kali avec lui pour aller fouiller un hôpital. C'est pas faux. C'est vrai. Bon, d'ailleurs, je compte à te dire quelque chose. J'ai pas encore trouvé la fille de Peter. J'ai cherché aussi au niveau de l'objectif et que dalle. Elle est morte de toute manière. Il m'a rabat les oreilles avec ça depuis un moment, mais ça fait aucun doute. En tout cas, je pense que d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le sens de Richard ou celui d'Alexios, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu au pied du mur, on n'a pas le choix. On doit mettre un petit peu de côté la sécurité pour essayer de récupérer le plus de choses possible. Exactement. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez qu'on déménage, on ne peut pas se contenter de 3 kits de premiers soins. Il faut qu'on ramène un maximum de ce qu'il y a dans cet hôpital si on veut déménager. Donc, vous allez avoir besoin d'être tous les volontaires. Je suis d'accord. Et vous prendrez le pick-up de M. Simpson ici présent. S'il est bien d'accord. Oh, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oh, pas de soucis. Bon. On est tous d'accord. Alex, tu vas nous faire une petite leçon avant de partir. Donner 2-3 conseils. Avant que vous commenciez à faire des cours, qui a une arme à feu sur vous? Je sais qu'on avait fait l'inventaire, mais elle est en bas. Moi j'ai c'est moi qui ai une arme à feu. J'ai un Glock. Rien du tout dans mon cas. À la limite, je peux toujours sortir un scalpel. J'ai un flingue avec moi. À deux, on est bien. Moi j'ai ma batte. Il y en a deux qui sont armés. Est-ce qu'il y en a un de ceux qui n'ont pas d'arme à feu, qui savent manier une arme à feu? Je peux peut-être demander à Jared de vous passer son arme de poing, au moins pour cette expédition. Bah, j'aurais pas à m'en vanter, mais j'en ai déjà utilisé dans ma vie. Moi aussi. J'ai tiré une fois à la foire. Mais je suis plus à l'aise avec ma batte qu'avec une arme. Bien, je vais la prendre. Vous laissez 3 armes. Ok, ouais, bah, je vais donner la Cinder. Très bien. Ça vous fera 3 armes à feu. Je vous conseille tout de même d'éviter de les utiliser trop. Évidemment. Trop légèrement, trop de bruit. On a remarqué que ça. Ça a tendance à en amener plusieurs. Ouais, il faut être le plus furtif possible. C'est pour ça que ma batte, elle me sert bien. Bon. Je vais tirer plus d'une fois l'affaire. On s'est mis d'accord sur vos plans. Je vais vous laisser discuter entre vous. Je vous envoie Adam et Peter. Vu qu'ils étaient volontaires aussi, je vous les envoie. Ça marche. Cool. Adam n'est pas un peu trop âgé pour ça? Vous en discuterez avec lui. Donc. C'est vrai. Donc Richard quitte les lieux et descend. C'est Adam et qui vient avec nous? Adam et Peter. Boucher et le vieux. Le vieux prof. Putain, il va faire chier, je le sens. Est-ce que. Non, mais c'est au niveau de sa fille. De sa fille. Moi, je n'ai aucun préjugé sur Adam, enfin sur Peter. C'est juste qu'au niveau de sa fille, je sens qu'il va faire chier pendant le trajet, quoi. Sinon. Est-ce que ce serait pas... Vous êtes rapidement rejoint par Adam et Peter. Ouais. Bah, je propose qu'on pose directement la question à Adam s'il est sûr qu'il est en condition de faire ça, sachant que il risque d'avoir beaucoup de moments, il va falloir machin accroupir, qu'il va falloir être discret, il va peut-être falloir courir vite. Ouais, il va falloir surtout escalader, surtout. Escalader. Enfin bref, il va falloir utiliser son corps, donc le monsieur qui est à la retraite. Bon, après, je l'ai dit, moi j'ai mon kip, j'ai mon pick-up, hein, donc. Oui, mais il est avec nous dans... voilà, on va pas rentrer dans... parce que ça monte pas les étages, à part si t'as un pick-up qui arrive à monter des escaliers. Mais bon, je ne sais quand même les capacités de ton pick-up. Mais dans tous les cas, il faut faire des trucs. Puis je sais pas, si on arrive au troisième... Enfin, apparemment, c'est un petit, donc ça va pas avoir 20 000 étages. Mais je dis, il y a de la merde. On arrive au troisième étage, il y a des rôdeurs. Ça nous court après si notre cher et bon professeur n'arrive pas à courir. C'est très problématique. Donc je lui pose la question directement avec ces termes-là. Est-ce que ça va suivre ? Est-ce qu'il est sûr d'être en condition ? Vous voyez qu'une fois interrogé sur ses capacités, en effet, quand vous commencez à lister tout ce qu'il va y avoir à faire et tout ça, et son air volontaire commence à être un air un peu résigné. Et il dit, je pense pas vous être utile directement sur le terrain. Sinon, il restera dans le pick-up et il le gardera et klaxonnera si jamais il y a quelqu'un qui approche. Je peux surveiller le pick-up non. Si vous voulez. Oui, ça peut être une bonne chose. En vrai, une surveillance. Vous êtes tous. Pour attirer une autre communauté, donc il faudra qu'il puisse klaxonner et qu'il y ait quelqu'un moins pour garder le pick-up et pas qu'on se pose. Moi. Est-ce ouais, que... j'ai une arme. Moi, je ou comme vous voulez, non. Mais... C'est mieux que tu... Mais toi, t'es en forme, tu peux nous suivre, tu peux nous aider s'il y a des problèmes, en plus, t'es armé. Je boite quand même, mais... Mais t'es armé. Est-ce qu'on a des moyens de communication qui soient assez longue distance? Genre Tokyo Walkie. J'ai un téléphone, mais ça marche plus. La voix. Donc okay, je peux jeter le téléphone, au besoin. Un pas de talkie, tout ça, quoi. On peut pas discuter en longue distance. Pas pour l'instant. Mais c'est clairement les trucs qu'il va falloir acquérir assez rapidement. Ok. Honnêtement, moi, je suis pas très pour que Adam ou Adam nous suivent. Je préférerais au pire qu'ils nous transmettent des listes d'objets ou de livres ou quoi que ce soit qui pourrait être intéressant. Si c'est conduire, en vrai, ça peut être un bon atout d'avoir de quoi partir sur le tas, genre en mode il y a un problème, on peut partir immédiatement, et qu'il puisse s'assurer du coup que que ça va au niveau du pick-up. C'est vrai que 73 ans, il est aussi bon au niveau du volant. Non, 73 ans, ça va. Hein, 73 ans. Ouais. Alors, sauf s'il a des maladies dégénératives, mais dans ce cas, il faut qu'il le dise, tu vois. S'il commence à avoir Alzheimer, des trucs comme ça, ce serait bien qu'il prévienne. Mais devant lui, tu sais. Excusez-moi, je pense que je connais bien mes capacités intellectuelles. Je vis avec ça toute ma vie. J'ai gagné mon salaire avec ma tête, quand même. Je me souviens de comment. Une maladie dégénérative, ça peut arriver. Une maladie qui. Oui, papy. Mais c'est vrai que tant qu'il est, il a pas de maladie particulière mentale, du coup, qui pourrait le rendre une incapacité, qu'il n'a pas Parkinson, Alzheimer, un truc comme ça. Ah, c'est pas spécifié sur ça. Au contraire, il a l'air plutôt volontaire, il a l'air de savoir à peu près tout faire. Est-ce que c'est pas ses connaissances justement qui sont plus utiles que vraiment son action Ses connaissances qui viennent avec nous dans le pick-up ou pas, on les a. Hein. Si t'as besoin d'une liste, il fait une liste. Si des gens approchent, s'il y a un danger, et conduire si jamais on se faisait poursuivre et qu'on devrait partir en vitesse. En vrai, c'est... Voilà, c'est un pick-up, hein, on peut sauter dedans littéralement hein, si on est sur le toit. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Mais il peut démarrer, plus partir. On sait qu'il ne va pas nous faire faux bond ni rien, donc il sera plus en sécurité à l'intérieur. Il faut qu'il reste absolument dans le pick-up. Qu'il sache plus. Qu'il sache bien que si jamais il voit des zombies quoi, qui s'envahit pas, mais qui se cache quoi à l'intérieur du pick-up, quoi, qui se couche. Oui, cacher derrière, dans le pick-up, de toute façon, il sera... En fait, on est d'accord sur deux plans, et après je te donne la parole, Alexio. Le premier truc, c'est que... mais il reste dans le pick-up, quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'il quitte le pick-up, parce que sinon, en fait, tout le plan de l'avoir pour partir en rapidité est fichu. Donc, pas de pause pipi, peu importe le temps qu'on dure, voilà, on reste dans le pick-up. Et deuxièmement, effectivement, c'est que on fait profit bas jusqu'à le temps que la situation soit urgente et qu'il n'a pas d'autre choix que fuir, en fait. Mais tant... Et s'il fuit, bien sûr, il ne fuit pas loin de nous. Il fait juste un passage pour qu'on puisse quand même l'avoir quand il revient, parce que... enfin, qu'il ne rentre pas là-bas sans nous, quoi. Du coup, si vous êtes tous là, je vais vous dire la règle quand vous venez avec moi. Alors, klaxonner, c'est qu'en cas d'urgence, on parle pratiquement jamais. On parle juste quand c'est utile. Les bouffeurs sont attirés par le bruit. Donc, je vous filerai des cailloux, des petits pétards, des trucs comme ça pour les attirer dans un autre endroit si jamais vous avez besoin. Mais sous aucun cas, vous utilisez votre arme à feu. Moi, je les ai jamais utilisées, même dans des endroits où il y en avait beaucoup, dans des immeubles. Je les ai jamais utilisées. J'ai toujours utilisé des appâts, des trucs comme ça. Donc, sous aucun cas et sous aucun prétexte, vous faites ça. Si jamais il n'y a pas d'ouverture dans une pièce, vous cassez rien. Vous essayez pas d'ouvrir. Si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir, vous pétez rien, même une vitre. Le problème, c'est que moi, je sais pas ce qu'il y a dans cet hôpital. J'ai pas visité encore. Mais je sais que dans certains immeubles, il y avait des survivants qui ont essayé de faire un truc comme ça en cassant des choses. Ils se sont retrouvés piégés. Le but, c'est d'arriver plus rapidement. Sachant que si jamais en bas, il y a quelqu'un et que vous klaxonnez, et que nous, on est en haut, et qu'entre nous et en bas, il y a des bouffeurs, on passera par le toit. Donc les autres devront partir directement... ici, avec le 4x4. Nous, on passera par les toits et on prendra les petits chemins que je connais. Voilà. Et une deuxième règle, si vous voyez des miliciens, vous planquez. Ou des pillards, vous planquez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, si jamais vous voyez un survivant ou un truc comme ça, faites très attention que ça fasse pas partie d'un autre groupe. Vous voyez comment il réagit, vous voyez s'il est en détresse ou pas. Donc voilà, sachant que vous prendrez vos sacs et tout. Dans vos sacs, vous mettez ce que vous avez à mettre. Mais quand on va récupérer des choses, on prend les sacs qui sont en bas, les sacs de sport. Une sorte de grands sacs, là, vous savez, les grands sacs de sport qu'on utilise pour mettre plein d'affaires dedans. Vous les prenez vides. Comme ça, on peut récupérer le maximum de choses là-bas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le règlement avec moi. Et j'ai toujours fait comme ça. C'est très clair. Ça marche. Si jamais il y en a un de vous qui se retrouve coincé, essayez de trouver la meilleure planque. Essayez de vous foutre en hauteur. Et si jamais on vous voit pas arriver, je viendrai vous chercher personnellement. Est-ce que c'est clair? On ne tente rien d'idiot. Mmh. Si vous tentez quelque chose d'idiot, le problème c'est que ça fout en danger tout le monde. Même les gens d'ici. Voilà. Ok. Tout ce que je peux vous dire. C'est pas vrai, Peter. Aucune chose d'idiote. Si tu vois ta fille, tu fonces pas dans le tas, s'il te plaît. Peter acquiesce du regard avec un air pas très sûr de lui. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas très sûr de lui non plus. Mais... parce que je vais pas abandonner quelqu'un derrière, mais si jamais il y en a un qui se fait mordre, je le laisse derrière. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas vu encore de personnes se faire mordre, j'ai pas compté le nombre de secondes, mais si je me fais mordre, je me tire une balle. Point barre. Très bien. C'est pour ça que ceux qui ont un flingue doivent garder une balle avec eux.